IKEA. C'est terminé. Eh oui, quelle défaite. Bah, tu vas où? Bah, faire un gratin. Voilà, j'en ai besoin. À 16h? Cuisiner, ça détend. Surtout quand IKEA vous offre jusqu'à 400 euros de réduction immédiate sur votre électroménager pour l'achat d'une cuisine méthode d'une valeur minimum de 2000 euros hors électroménager et luminaire. Offre valable jusqu'au 9 septembre avec la carte gratuite IKEA Family. Conditions sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oh oui, l'Alpe d'Huez, l'Alpe d'Huez, l'Alpe d'Huez. Le mec il a compris de l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, il est trop un pour le dire. Mais l'Alpe d'Huez, l'Alpe d'Huez. Le gorille très très très beau. C'est cool, je voulais faire une chanson déjà. Ah merde, j'avais pris un moment, écoute bien. L'Alpe. Attends, non, il est mis Johnny Hallyday, Valentin Vincent est notre invité. Dans le métro, elle aime dégueuler. On reçoit aussi Justine Le Potier. Y'a la valise, le potier, Adrien Méniel. Y'a la valise et le potier dans le flot de cas. Et Flo le primé. Oui. C'est vrai. Je tiens à préciser qu'il faut plus nous appeler le chauve et l'hirsute, mais le primé et le déprimé. Oh, la petite blague, elle est improvisée. Oh. Pas du tout. Elle est préparée. Du non, mais, pour moi. Mais par contre, je dois féliciter quelqu'un. Moi. Alors déjà, bien sûr, mais dont on a... J'irais pas qu'on a ri d'elle, mais on s'est dit, oh là là, l'anecdote, elle est marrante. Chantal Latsou, la voyante. Putain, oui. Chantal Latsou. Attends, quel est le rapport? Attention. Chantal Latsou, on avait raconté. Quand est-ce qu'elle est invitée? Alors, Chantal Latsou. Bah, déjà, moi, je pensais que c'était avec Chantal Latsou. Je suis très content, mais j'avais misé sur ça. Chantal Latsou, on met un pied à l'Alpe d'Huez et elle nous dit. Ah, vous êtes Nouvelle Leroy, vous allez gagner, c'est sûr. Donc nous, on elle se dit, c'est magnifique, vous allez gagner, à mon avis. Vous allez gagner, à mon avis, c'est magnifique. Donc on se dit, bon, bah, incroyable, elle a vu le film, elle l'aime bien, c'est trop bien. Elle avait vu 20 secondes. D'accord, dans un petit montage où il y avait eu tous les extraits de tous les films. Génial. Donc nous, on disait, oh là là, c'est marrant, elle a dit. Elle avait raison. Elle avait raison. Donc si Chantal Latsou vous dit, Chantal Latsou, la voyante. Ah. Chantal Latsou, Mesmer, pour moi. Je vous le dis. C'est donc, vrai. Donc je mets du respect. Pour moi, Chantal Latsou. Elle est au-dessus. Oh oui. Oh, voilà. Non, mais quoi. Chantal Latsou, elle est au-dessus. Chantal Latsou, elle est au-dessus. Dans la classe. Et celle-là, elle était improvisée en plus. Ah ouais, ouais, celle-là, oui, quand même. Non, mais celle-là, on voit pas de différence. Donc, ouais, ouais. Fort. Faut l'inviter. Ah, mais j'en rêve. Avec bah, le Caplain. Genre, le Caplain, il connaît tout le monde. Voilà, on a découvert le Caplain qui connaît tout le showbiz. Et qui dit à tout le monde, il faut que tu fasses le podcast. Bah, s'ils écoutent juste l'intro, là, je pense qu'ils sont. Bah, là, c'est... Mais oui, donc effectivement, on va pas faire mille ans dessus, mais ouais, voilà, on a reçu le grand prix tu du jury. Tu as reçu. Mais non, le film, le oui, film. Le film, le film Nous les Leroy oui, a reçu le grand prix. Que tu as écrit et réalisé, donc. Voilà, travail d'équipe a reçu le grand prix du jury. Dans lequel vous êtes tous. Je suis juste à... voilà. Oui, c'est oui, sympa oui, quand même de me faire venir. Du non, coup, non, mais... non. Attends, on n'oublie pas d'où on vient, Valentin. T'es avec nous. Non, mais c'est vrai. Il y a le potier, elle a fait rigoler. Mais il a fait rigoler. Non, c'était chouette. C'était. Je pensais pas. Vraiment, j'ai été très surpris. Moi, je t'ai envoyé des petits messages toutes les semaines. T'as été adorable. Voilà. Adorable. Non, mais on a. J'ai vu. Il y a eu un super soutien. Après, des copains. C'est des messages pour dire. J'espère que tu vas perdre parce que je suis pas dedans. Donc non, pas du pas tout. Cool. J'étais très content. J'étais très ému. Non, mais c'est super. Ça en direct comme un match de foot. Bah non, mais il y a plein de gens qui ont fait. Enfin, parce plein qu'on de gens. M'a filmé j'ai reçu des j'ai reçu des messages de copains qui faisaient ça, c'était trop cool. Et des gens aussi, parce que j'ai reçu plein de messages de gens de, d'auditeurs qui, et de qui t'ignoraient avant et puis qui maintenant en fait. C'est ça le showbiz mon pote. Et t'inquiète pas, j'avais pas les œillères, je suis pas un cheval. Mais en bien fait. Sûr. Mais ça reste le Floodcast. Et le Floodcast ouais, c'est quoi ouais. Bah c'est les news du Floodcast, les jeux de l'actu. Alors qui a gagné à l'Alpe d'Huez? Quel film a fait l'unanimité? Non, vous vous souvenez des NFT Board Apps? Ah, j'étais sûr que t'allais le dire. Les je singes, viens là de je viens de voir la news ah, dans le métro là. Salopard, non, c'est je sur... sais pas ce que oui. c'est. Board oui, Apes, c'est, c'est les singes immondes que, ouais. que qu'a acheté Yvick. Entre oui. autres hein, c'était des NFT, t'as ouais. vu ces petits singes dégueulasses? Non. Bah, alors, on va le dire, on va en parler parce que bien pas mal de leurs acquéreurs se sont retrouvés à l'hôpital. Alors, je voulais vous demander pourquoi. Adrien, Valentin, est-ce que vous avez la bonne réponse? En achetant des NFT. Alors, à la base, ils achètent une NFT. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Tu nous racontes. En gros, déjà, il faut dire que normalement, si t'as bien flairé le truc, tu les as revendus, tes singes de merde, parce que ça vaut plus rien. Mais ceux qui les ont pas revendus, qui en possèdent toujours, ont reçu une invitation genre « Hey, vous faites partie du club select de gens qui ont des NFT Bored Apes, on vous invite à une soirée géniale où vous allez danser et boire ». Donc il y a une grosse partie des gens qui y sont allés. Et ils y vont, et ça danse, et les lumières, et bloum-boum, et bam bam bam, la musique. Et le lendemain matin, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus rien. Et, et ma peau me brûle. Beaucoup de gens se sont plaints des mêmes symptômes. Et en effet, la cause a été vite trouvée. C'est que, comme néon pour éclairer la pièce principale, ils avaient utilisé des néons à UV. C'est ça. Qui sont normalement destinés à désinfecter. Désinfecter. Oui, c'est même pas pour bronzer, c'est pour désinfecter ça, à échelle industrielle. Quoi. Je savais pas que ça existait de désinfecter avec de la lumière. Oui, ah bah, moi, oui, parce que j'avais un petit boîtier pour désinfecter son téléphone. J'avais acheté ça. Mais dès qu'il y a des petits trucs, c'est. Mais quel geek! Adri, les bons tuyaux. C'est incroyable. Il est resté chez mon ex qui l'utilisait beaucoup plus que moi. Je lui ai cédé. Toi, t'es un bon crâne, de toute façon. Elle voit plus rien. Non, et du coup, c'est comme si tu t'étais exposé au soleil. Et donc les mecs étaient là, ils regardaient partout et c'est comme si t'avais tu regardais le soleil, du soleil dans les yeux. Nuit. Donc la peau cramée, les yeux cramés. Et... Alors a priori ça se traite assez bien, mais c'est voilà. Ballot. Comme quoi les NFT. Ils ont tout gagné. Les NFT ça a pas cédé ici aux NFT. Non. Non, bien sûr que non. Vous avez vu le. Justine, un petit Gwenadu en NFT. Non, non. À Shanghai, un quart des seniors sont célibataires. Savez-vous où est-ce qu'ils vont pour rencontrer l'amour? Sur internet. Alors ce n'est pas sur le web. C'est un lieu physique, j'imagine. C'est un lieu physique. T'allais dire quoi, au sport? Non, j'allais dire au cinéma. Donc et non, aucune pas au originalité. Cinéma. Mais non, mais attends, c'est pas forcément original. Hein. Bah j'espère quand même, parce que sinon ça va être sûr. Ouais. Dans un lieu de rencontre pour seniors. Eh bien joué, Adrien. C'est ça. Sur un bord public. Maintenant que je suis dans le cinéma, c'est devenu par contre les infos de oui. la seconde guerre. Ah, oui, excusez-moi. Mais présenté par Chantal Latsou, apparemment. Qui avait pas besoin de. C'était des infos de. Ta petite imitation, Chantal Latsou. Oh, écoute, Chantal Latsou, du coup, elle fait les infos de la semaine prochaine. Parce qu'elle est. Elle est voyante. Elle est voyante. Elle voit tout bonnement l'avenir. Elle a inspiré demain à la une, Chantal Latsou. Non, c'est un zoo. Alors pas un zoo. Ah, pas mal. Oui. Pas un zoo. Un marché. Ouais, supermarché. Pas supermarché. Un bingo. Oh, un petit bingo. Vous alliez au bingo quand vous étiez jeune? J'y suis allé. Ouais. Avec mes grands-parents. Fait, nous tous. J'adorais ça. Ouais, j'aimerais bien retenter. Ouais. Je me souviens d'une petite adrénaline. T'as gagné des trucs? J'ai gagné un bon jambonneau. Tu sais, la cuisse bien énorme. Et aussi, il y avait beaucoup de. Comment on appelle ça? Des tickets de. Comment on appelle ça? Ah merde! Genre des bons d'achat pour Leclerc ou des conneries comme ça, je me souviens. J'ai un panier garni, il me semble. Oh, avec du pâté. Oui, bah quand t'as 13 ans, tu as une télé et un machin et tu gagnes un panier garni avec du pâté. Ouais, mais j'ai gagné un truc de scooter gratuit là, tu sais, les sortes de vélos, sauf que c'est des scooters gratos. Tu vois, t'as un an de scooter gratos. T'as gagné un scooter, un abonnement. Non, un abonnement gratos. Mais t'as fait ça l'année dernière, t'as joué au bingo l'année dernière. J'ai joué il y a 10 ans, un truc comme ça. Au bingo du 9e. Non, alors City Scoot il y a 10 ans, il n'y avait pas City Scoot il y a 10 ans. City Scoot il y a 10 ans, Justine. Alors peut-être moins. Oui, c'était il y a 10 jours. Tu vas au bingo régulièrement avec Balasco. Non. C'était bien avant le Covid. Et je suis trop content, je me dis ouais, chouette. Oui. Bingo Lasco, t'as dit. Bingo Lasco. C'est le titre. Il y a le B en commun. Oui, mais étonnamment, ça sonne très bien. Oui. On dirait un petit Pokémon. Josiane Bingo Lasco. Bingo Lasco attaque. Ce n'est pas très efficace. Pardon, et donc, du coup, je gagne ça. Sauf qu'avant, il faut que je fasse un. Ils ne donnent pas ça à n'importe qui parce que c'est peut-être un danger public. Et ils ne me l'ont pas donné, les enfoirés. Quoi ? T'as jamais eu le. Non. Ah, mais t'as le permis ? Ben non, mais peut-être t'as un test à faire. Attends, c'est un scooter, t'as besoin du permis sur le scooter. C'est dire à quel point je suis mauvaise. Non, un petit BSR. C'est dire, j'arrivais pas à tourner avec mon scooter. C'était dans mais t'as fait un test, t'es allé faire un test. Oui, j'ai gagné, j'étais toute contente, j'ai fait un test. Ils m'ont dit non, vous êtes. En fait, j'étais dangereuse. Mais attends, t'as pas une compensation, un truc? Parce que t'as gagné un truc qui vaut zéro. Ouais, mais j'ai gagné un truc que j'ai perdu. Je vais appeler Julien Courbet immédiatement parce que là, j'ai l'impression qu'on est en pleine scam. Le Caplin connaît le Courbet. Le Courbet. Non, mais c'est vrai que dans le milieu de l'arnaque, on l'appelle le Courbet. Le courbe. Parce qu'on le mélange avec Julien Courbet qui joue dans le Raid. Voilà, c'est un autre Julien Courbet. Non, le Courbet, on peut l'appeler à tout moment, Justine. Non, mais j'étais très déçu, j'ai pris sur moi. Putain, mais c'est fou. Moi, j'avais gagné une fois un truc stylé dans ma vie. C'était les jeux Monopoly McDo. J'avais retiré l'étiquette de machin à MP3 Creative. Oh oui, bien sûr. Sublime. Creative, cette marque. Tu l'as disparu, je pense. Ah, je pense que ça n'existe plus. Je sais pas. Tu l'as toujours? Non, je l'ai plus. Je l'ai plus. 256 mégas. Oui, c'était ça. C'est beaucoup, je pense. Creative, c'est eux qui faisaient la Sound Blaster. C'était quoi? Bah, c'était une carte son à l'époque des PC, là. Oh là là. Creative Sound Blaster. Oh là là. Ouais. Ça, c'était. Là, c'était fou de se dire qu'à l'époque, moi, j'avais un PC chez mon père et il y avait genre pas de son, quoi. Ouais. Jusqu'à ce que j'achète une carte son et après t'as du son, quoi. Ouais. Incroyable. Et c'est fou à l'époque. Wow, il y a de la musique, les voix, comme si c'était quelqu'un qui parlait, quoi. Alors qu'avant ça faisait. Ah là c'est un DJ par contre. Un tout petit DJ. C'est Scooter. Non mais tout se recroise, le DJ Scooter. Ah oui, bien sûr, Chantal là-dessous. Bingo Lasco. Oh, le Bingo Lasco qu'on vient de faire. Bingo Lasco. Mais moi, je lui dirais. L'arrivée du MP3, moi je l'ai pris en pleine gueule parce que j'avais le petit lecteur CD. J'avais le petit lecteur CD. Le CD qui saute quand tu. Dans le bus, le CD saute. Le cahier avec, tu sais, truc énorme avec plein de CD. Ah oui, tu fais ça. Que des CD gravés, toi. Bah, que pas mal de CD gravés. Bah, tu m'étonnes. J'avais style 10 albums de System of a Down. Il disait de le voler et bah, je l'avais téléchargé. Bah, bien joué. Et mini disque, vous avez pas. Si, j'ai eu ça. Toi, t'as eu. Ah, j'ai eu, puis je me suis bien fait dépouiller dans le RER A, moi. Oh non. Ah ouais. Et bah, on va le retrouver aujourd'hui. Oh la Batman. Oh. Si, mais écoute. C'est comme ça que s'est créé Adrien contre l'injustice. Je m'en suis remis. C'était un peu traumatisant sur le moment, mais ça va. T'avais des mini-disques aussi, Justine ? C'était quoi les mini-disques ? Moi, j'ai pas du tout connu. C'était des tout petits CD. J'imagine, mais. Bah, ça avait plus la forme d'une disquette un peu. Ça s'achetait où ça ? Genre, et avec le disque qui était à l'intérieur. Au supermarché, Flo. Mais c'était à la Fnac, pareil. C'est là où t'achètes des CD. Eh oui, j'ai acheté des mini-disques à Saint-Malo, à Carrefour. Ouais, ouais. À Saint-Malo, c'était des mini-decks. Non, je sais pas la blague. Il se lance sans filet. Ah ouais. Ça allait être ouf. Non. Non, mais ça avait plus la forme d'une disquette un peu, les mini-disques, il me semble. Pour moi, c'est un tout petit CD. Si, mais ça ressemblait comme les UMD là qui étaient sur les. Ah, mais moi je me souviens des mini DVD de la PSP par contre. Ah, mais je comprends rien à ce que vous dites. C'était comme ça. Ah, mais ouais. En gros, t'avais un emballage autour et le CD il est dedans. Mais en gros, tu sortais pas le CD pour moi. Bon, je comprends rien. Okay. Voilà. Mais les mini DVD de la PSP, ça par contre, je m'en souviens, mais c'était plus tard. Oui. C'était un truc qui avait pas duré très longtemps, mais non. C'était des cartes SD en fait. Confond à quelque chose. Hein. Non, des cartes SD que tu pouvais mettre dans la console et tu pouvais mater un film, mais sur une console pas très large, quoi. C'était tout petit. Et ça s'est bien planté. Est-ce que Flaubert, je suis sûr que t'as eu le lecteur DVD portable là, avec le petit écran. Parce que, bien sûr. Je rêvais de ça. Mes parents l'avaient acheté pour la voiture. Oui, bien sûr. Je sais plus ce que c'était la marque, mais tu sais, ça se foutait sur l'appui-tête. Ah, bien sûr. Tu pouvais le retourner et tu matais un film sur l'appui-tête de ton père. Et Taxi Deluxe, ils avaient ça aussi. Allez, mais toi, t'étais déjà dans le showbiz à l'époque. Oh. Tu jouais pas encore au Bingo Lasco, mais t'étais. J'ai hâte de lui raconter. On a toujours pas trouvé ce que les seniors célibataires, parce qu'on parlait du bingo. Oui, baiser, hein. Alors, où est-ce qu'il. Pour baiser, non, non. Bah, ouais, c'est juste rencontrer, mais. C'est un endroit insolite dans lequel ils se rencontrent pour faire frouchi-froucha. Alors, pas forcément faire frouchi-froucha, mais en tout cas, ils rencontrer. Dans l'espoir d'eux. Voilà, puis c'est pour rompre un peu l'isolement, tu vois. C'est un type de magasin. Exactement, très bonne question. Une animalerie. Pas une animalerie. Et fleuriste. Pas le fleuriste. Une bibliothèque. Un truc de vinyle, de musique, de vinyle. C'est à la mode maintenant. Non, c'est vrai. Le maraîcher. Mais il rencontre que des gens de 30 ans du coup. Mais merde. Mais non, ce n'est pas ça. Un maraîcher. Ah, ce n'est pas un maraîcher. Un magasin de cinoche. Endroit... C'est quoi un magasin de cinoche? Ils vendent des mini disques. Un endroit de. Attends, est-ce que ça a rapport avec le fait qu'il soit vieux? Non, pas du tout. Et c'est un style de magasin qu'on trouve également en France. Hein, magasin de sport. Alors là, en fait, vous chappez. C'est même. Non, pas. C'est magnifique. Non, c'est un truc encore plus précis. Je vous demande presque une marque de magasin. D'ailleurs, je ne sais même pas presque. Je vous demande ça. Abercrombie & Fitch. Pas Carrefour, pas Abercrombie. Un truc de Kilo Shop, de vêtements. Bah, pourquoi je pas. Je me suis toujours demandé comment ça marchait, ça. J'ai jamais acheté les Kilo Shop. Tu pèses ton truc. Tu pèses ton truc, ça coûte une blinde et puis tu repars avec. Oui, c'est ça. Ah oui, et mais tu dis, attends, ça doit être pas cher. Exactement. Et en fait, toi, tu vas au poids, c'est comme les fruits exotiques. Tu fais, bah, c'est pas cher du tout. En fait, c'est scandaleux. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. En fait, il y a des. En fait, sur l'étiquette, tu as une couleur. Et la couleur correspond à un prix au poids. Mais souvent, généralement, tous les trucs sont au prix le plus élevé. Donc ça, d'accord. C'est pas si bien. pas si bien. Un magasin, attends, c'est une chaîne. Ah, c'est une chaîne. Ah, donc il faut devenir le nom. Grand Frais. Pas Grand Frais. De bouffe, de fast food. Non, mais pas attends, de fast food. T'as dit que c'était Grand Frais. Grand Frais. Attends, c'est un endroit où on mange? Pas du tout. Alors, okay. On peut y manger, mais ce n'est pas. Ah, Ikea. Ouais. Ah, mais bien sûr. Ah, oui. Et bah, je les comprends. Et si ça se passe bien, il y a directement les plumes. Mais oui. Ah, si, c'est Chantal là-dessous. Ah, bah, attends, non, c'est pas. Tous les mardis, des centaines d'entre eux occupent les tables du spacieux restaurant. Pas de traditionnelles boulettes de viande suédoise au menu, mais du thé, des snacks, voire même de l'alcool. Et oui, je vous rappelle que c'est en Chine, à Shanghai. Tous apportés de chez eux. Ces veufs ou divorcés dont les enfants ont déjà quitté le domicile familial veulent trouver l'âme sœur dans ce lieu dont l'ambiance et le niveau sonore rappellent davantage une cantine d'école qu'un établissement pour personnes âgées. C'est toujours mieux que de rester à la maison, explique King Kin. Puis c'est un peu une maison en plus. C'est mieux que l'EHPAD. Hein. Et mieux d'aller dans une, que dans une vraie cantine d'école. Oui, oui, ou dans ce cas-là, c'est catastrophique. Excusez-moi. Elle a eu du mal à sortir. Non, mais après, c'est un peu tristoun parce que c'est des vieux qui disent voilà, la vie, elle est très ennuyeuse. Et quand ils vont à Ika, ils voient plein d'autres vieux. Et puis ça permet de. Bah, c'est bien, de discuter. Ouais, bah, bien. Plus, c'est un beau projet. Toujours des bonnes affaires à faire à Ikea en plus. C'est vrai. Un artiste peintre habitué des lieux. Moi je ressors jamais sans acheter un truc de chez Ikea quoi. Tu vois, tu dis, oh bah une petite plante verte. Oh bah pourquoi pas une petite cuillère. Oh, non, bah, pas des... non, bah, planche à découper, la mienne est quand même assez usée. Tu te livres aujourd'hui. Non, non. Ouais. Bah moi ouais, c'est Ikea mes planches à découper. Mais il y a un homme de 74 ans qui dit qu'il a fait la connaissance le mois dernier d'une femme. On a eu le béguin l'un pour l'autre. Oh, j'aime béguin, son apparence et son c'est âge. Renault. Hein c'est Renault. C'est Renault. C'est Renault bien sûr. Et donc voilà, il a rencontré l'amour à Ikea. Voilà, c'est magnifique. Bah alors, c'est une chanson de Benabar. Écoutez, d'ailleurs. Ça me donne envie d'y aller. Ça me donne envie d'y aller. T'as envie d'aller à Ikea? Bah attends, ouais, tu cherches l'amour. Mais ouais, j'ai envie d'aller voir. Oh. Non, j'ai envie d'aller voir les vieux qui s'aiment à Ikea. Ouais, mais quoi. C'est pas en France, c'est, c'est à Shanghai. Et ben, j'irai quand même. En France, après, il y aurait juste des vieux. Ouais, c'est tout. Qui cherchent. Je me parlais pas, vous voulez me voler. Qui cherche une brosse à chiottes, pas, pas l'âme sœur. Et qui sont paumés, mais ça commence comme ça. Qui prennent les chaises du resto. Mais elles sont pas à vendre, monsieur. Oh bah je crois que tu pourrais les acheter. Oui. Oh, j'ai fait caca dans les toilettes, mais c'est un modèle d'exposition. C'est les boulettes de viande, c'est nos boulettes de viande. Mon père adore les boulettes de viande de Ikea. Ah ouais, tiens. Ouais. J'ai jamais mangé. Je sais qu'il y a tout un truc c'est de. Bon, les gâteaux c'est bon, dingue, j'ai Ikea, mais j'ai jamais. Bah c'est bon, mais c'est pas bon, tu vois. Oui, j'entends. Attends, mais c'est comme la cantine, tu vois, une bonne cantine. Ah ouais, mais c'est pas que le hot dog d'Ikea. T'es content de bouffer là-bas, quoi. Ah ouais. Mais c'est pas là, c'était pas ça. Il y avait de la merde. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit t'as fait caca dans les boulettes. Oui, c'est vrai. Ah, il y a eu un caca gate. Ils ont trouvé de la matière fécale dans les boulettes. Dans les boulettes. Dans les boulettes de viande. J'ai tapé Ikea caca. Ikea caca. C'est peut-être un. Fais gaffe, c'est peut-être un type de bibliothèque. Eh oui, de la matière fécale dans les tartes au chocolat. Oh, nouveau non. Scandale chez Ikea. Ah, nouveau. Ouais. Ah, avant, il y avait déjà les boulettes de viande. Avant, il y avait juste des bites de porc. Ouais. Mais là, c'est bien, ça se voit pas. Ça se voit pas, ceci dit. Il y a ton chocolat, il y a de la merde. Oh, bon, ou ça ouais, oh, bah, ouais. Je sais pas. Ouais. Mado. La niçoise. Non, on parle pas d'elle. Non. Non, non. Mais c'est une dame de 92 ans qui vit au nord de Nantes. Et elle vient d'être déclarée doyenne, mais doyenne de quoi? Des skaters. Nantes, c'est un rapport avec Nantes. Déjà, le nord de Nantes. Alors non, ça peut être n'importe où. Mado est la doyenne des... La doyenne, elle a 92 ans. C'est quand même un certain âge. Pas jeune, ouais. Est-ce que c'est une de la doyenne hein, il y avait des photos d'elle et tout. On se dit, oh, bah, on lui donne pas 92. Ah, elle fait moins. Elle fait moins. Est-ce que c'est doyenne de gens qui pratiquent une certaine activité? Exactement. Physique. Informatique, oh, pas physique, pas informatique. Elle cuisine des trucs. Travailleuse du sexe. jongleuse. Non. Je sais pas. Non, mais j'imagine. J'imagine une fille qui jongle, je trouve ça marrant. Danseuse. Pas danseuse. Est-ce que c'est artistique? Pas stripteaseuse. Alors on est assez loin de l'histoire de sexe. C'est artistique ou pas? Et d'érotisme. C'est pas artistique du tout. Sportif? Pas sportif non plus. Ok. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, on se demande. C'est pas artistique, c'est pas. C'est pas rencontrer des mecs à Ikea. Streameuse. Pas streameuse, oh non. YouTubeuse. Mais je me demande, tiens, je vais googliser streameuse doyenne. Mais ce n'est pas ça. On n'est pas dans le web. Oh bah c'est Valentin, très certainement. De quoi? Qui est la plus vieille streameuse de Twitch? Ah si, cela dit, il y a une streameuse qui s'appelle Amako Mori qui a plus de 90 ans. Oh, et effectivement, c'est la doyenne et elle, c'est une inconditionnelle de GTA. Voilà, je vous le dis. Ah oui, ah, ouais, bah oui. Ultra, pas dit. Ultra-violence, ouais. Bah elle adore ça, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. J'avais trouvé une chaîne de tricot sur Twitch, comme ça, une nana d'un certain âge qui montrait comment faire du... Comment... Pas cool, ah oui, mais ah des tricots, oui, tu vois. Des petits tricots. Eh ben j'aimais bien. Bah oui, ma meuf s'était mise à ça pendant le confinement. Tiens. Les gens s'étaient mis à des activités complètement dingues. Ouais, non, mais le pain là, il faisait du pain. Il faisait du pain. Comme Mado qui faisait. Mado, très bonne question, ne pouvait pas faire son activité pendant le Covid. Ah, oh, la rando, de la randonnée, pas de la rando. C'est de la rando. Natation, foot. J'ai décidé que c'était de la rando. Non, attends, c'est pas ah, mais non, c'est pas sportif. Finalement. Non, c'est pas du foot. Ah, oui, c'est pas la rando. Mais c'est en extérieur du coup. C'est en tout cas, t'as besoin c'est d'être avec dehors. Des gens. Ah, c'est avec des gens. Très bonne question. C'est avec par des équipe. Gens. C'est une activité par équipe. Pas oh, par équipe. C'est un truc avec Poudlard. Hein. Elle fait des trucs. Pardon. Touchée par la grâce. Du Quidditch, je veux dire. Du Quidditch. Oui, voilà. Mais c'est pas du sport, il a dit. Non, elle ne fait pas du. Oh, cela dit, ce n'est pas du sport. Le Quidditch. Attention, je vais me faire taper sur. Tu sais que je me suis fait engueuler encore. Alors, pardon. Tiens. Petit aparté, petit en aparté. Vous pouvez prendre un petit. Petit oui. Oh là là, ce livre, bah, je l'ai déjà. Bah, c'est un cadeau. Petit aparté, j'ai dit en province la dernière fois et je me suis repris pour dire en région, pensant. Ouais. Oui, oui. Plutôt. Alors on m'a dit, mais même ça, faut pas le faire. Voilà, donc oui. Pas de différence. Bah, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur le moment. Et oui, oui, oui. J'ai et dit, oui. Ça reste de toute façon un mot pour dire. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, hey, d'accord. Ne sépare pas Paris et le reste du monde. Alors, voilà, vos combats. valent ce qu'ils valent, mais je ferai attention à la prochaine fois. Surtout que tu viens de Bourgogne en plus. Mais oui, j'ai fait un film entier, Nous les Leroy Grand Prix. Ah oui, on rappelle, voilà. Tourné en, province. Qui t'a filé les thunes? En province, chez les cutéreux, on dit. Chez les ploucs. Il n'y a que en Bretagne où tu dis en Bretagne, parce que la région a tout à. Non, c'est vrai, il y a une histoire, il y a une culture. Ils ont leur musique, tu sais. Alors en Bretagne, oui, mais au nord de Nantes. Ah ouais, non mais pas mal. Est-ce que c'est un rapport nous, avec le roi? Hommage à Nolwenn Leroy. Non mais faut le dire, c'est pour mettre les Bretons dans la poche, bien sûr. C'est l'anagramme parfait de Nolwenn Leroy. En tout cas, phonétiquement, ça c'est la même chose. Hein, Nolwenn Leroy. Ah, c'est bien. Je donne place c'est pour Nolwenn Leroy. C'est elle qui a le générique de fin qui rappe l'histoire du film comme Will Smith. Un petit caméo de Nolwenn Leroy. Oui. Bien sûr que oh, non. Je l'ai croisée, elle est magnifique. Ah ouais, ah ouais. Écoute, non, en dégueulant dans le métro. Non, tu sais où je l'ai croisée? En pissant dans le. Et non, je l'ai croisée à Dinard, messieurs dames. Au oui, festival. Oui, Nolwenn Leroy. T'es encore invité, toi? Eh ben non, parce que ma mère habite là-bas. Ah, et donc, j'ai été voir ma mère et je me baladais en plus. Oh, c'est Nolwenn Leroy. Une certaine agressivité mêlée d'un de jalousie. Pas du tout, pas du tout, j'étais content pour elle. Et t'es invité, toi? Ah ouais, ok, cool, cool, mais pas de problème. Et il se trouve que j'ai envoyé tout de suite un message à Julien et Valentin en disant: je viens de croiser Nolwenn Leroy à Dinard. Je voulais juste vous en faire part. Et je l'ai trouvé sublime. Quel meilleur endroit. Elle est sublime. Comme quoi, elle ment pas. Elle fait pas de l'appropriation culturelle, elle vient vraiment de Bretagne. Non, Nolwenn, c'est hein. Faux. Ah bon? Ah ouais. Mais non, elle est née en. Non, non. Oula, attendez. Oh là là. On débunk. Attendez, parce qu'on a toujours pas eu Hugo Décrypte pour savoir s'il va y aller même. Tu ne confonds pas avec Mano. Mano n'est pas breton. Mais non, Nolwenn Leroy, elle est née en région parisienne. Ah ouais? Oui, mais c'est pas dans le Finistère, elle est née. Ou elle a grandi en à Saint-Rénan. Non, mais attendez. Non, mais alors. Tu confonds avec Mano, je crois. Mais oui, c'est. J'ai dit de la merde. Tu confonds avec Patrick Bosso, qui effectivement vient de Marseille. Bien sûr. Elle est née peut-être en Bretagne. Avec un nom breton, mais elle a grandi, Pépette, en. Oh, Pépette. Non, mais elle l'a croisée une fois à Dinard, c'est bien Pépette. Depuis qu'elle est tenancière, Justine, elle est au-dessus de tout le monde. Dis donc, la biche. Hé, mon lapin, je te sers quoi? C'est la première fois qu'on se voit. Bien sûr, du Cartel Comedy Club, n'hésitez oui, pas. Oui, évidemment, allez-y, sur rue de la Tacherie, dans le 4e. Sur rue de la Tacherie, évidemment. Alors, Mado. Là. Mado, qu'est-ce qu'elle branle? Alors, qu'est-ce qu'elle branle, Mado? Par équipe, un truc. C'est des échecs? Alors, pas des du échecs. Scrabble. Attends, n'oublions pas que c'est la doyenne, c'est-à-dire que c'est la plus vieille. Des mots fléchés! Pas des. Bingo Lasco! C'est la plus vieille. C'est le Bingo Lasco! C'est le Bingo Lasco! Un jeu qu'on va lancer sur TF1 à la rentrée. Ravi, ça me fera du boulot. Est-ce que ça... Pardon, ça me fait rien. Ravi, ça me fera du boulot. Est-ce que c'est une activité quand même un peu insolite? Alors, bah, en elle-même, l'activité n'est pas insolite. Mais, le fait d'avoir 90 ans est insolite. Du roller avec les mots fléchés, tout ça, non, il y a plein de vieux qui en font. Ouais, mais 92, faut voir encore les petites cassettes cripotées dans les trucs. Tu fais que les photos de Jean-Luc Reichmann. Crossfit, ah non, c'est pas une activité physique, putain. C'est pas physique du tout. C'est un truc qu'on fait à plusieurs, ça c'était une très bonne question que vous aviez, et vraiment, on ne peut pas faire tout seul. Partouzeuse? Je le savais. Mado la partouze. Non, pas Mado la partouze. On a dit que ça m'avait rien plusieurs du cache-cache. Non, c'est physique un peu. Putain, des escape games? Pas des escape games. Ah, quand tu dis que c'est pas physique, c'est que ça te demande pas d'effort physique. Pas mais trop, non, mais tu utilises quand même ton corps. Ah bah oui, c'est un service. Voilà. Factrice. Pas factrice. Ah non, à plusieurs. Ah, c'est un service ou un métier quand même? Ah non, c'est un service. Est-ce que c'est genre elle fait des maraudes? Non. Qu'est-ce que c'est des maraudes? Tu sais, quand tu vas voir les sans-abri et tu leur dis que t'as besoin de quelque chose et tout. Non, mais c'est une sorte de service. Elle est coiffeuse. Pas coiffeuse, c'est un service payant, attention, hein, c'est pas un truc qu'elle fait bénévolement. Masseuse. Elle cire les pompes. Elle cire pas les pompes, elle ne masse pas. Est-ce que c'est en extérieur? Elle tatoue. Elle tatoue pas. Oh, Mado. C'est en extérieur? C'est plutôt en extérieur. Ah, enfin, extérieur. Ça, c'est pas, tu fais pas dans ta maison en tout cas. Mais attends. Ni dans un lieu, enfin pas dans un bâtiment. Oh, voilà. Elle graffe, elle fait des graffes. Elle ne graffe pas. Oh. Ah, c'était bien. Pas mal, elle ne fait pas partie du Supreme NTM. Non. Et non. C'est elle. Cool Amon. Comme... Ouais. T'as dit quoi? Non, les photos qu'on voit partout, là, Amon. John Amon. Ah, John Amon. C'est pardon, pour le coup, c'est très parisien. Ah oui, mais ouais. J'adore, attention. Ah, ça, ils ont pas ça en province. Ah, ça. la province, région. Là. Est-ce qu'elle est Miss ou quelque chose comme ça? Non, elle est Miss. Vous allez être déçu de la réponse, hein, non, je pense, non, hein, non, malheureusement. Non, mais... non, mais attends. Un service, extérieur, attends, un service. Donc elle est rémunérée pour ça? Ah oui. Elle prend des thunes, Mado. Ah bah Mado prend de la thune, ah, ouais. Elle est racketteuse. Non. Et elle vient chez les gens, c'est à domicile? C'est pas à domicile. Est-ce qu'elle fait des milices? Non, comme la meuf qui sifflait à Venise, qui était en fait une meuf d'extrême droite, vous vous souvenez de ça? Qui gueule, c'est qui faisait pickpocket, t'avais pas suivi sur TikTok? Ah si, mais attends, elle est d'extrême droite, ouais, ils ont vu que c'était un peu limite. C'est étonnant, bizarre. Ok, d'accord. Rends des services. C'est un service, faut créer un compte sur internet ou avoir l'appli. Uber. Non, mais on s'approche. Chauffeur de bus. Non, on s'approche. Uber Eats. Pas Uber. Enfin, la bouffe quoi. On est sur une voiture. Adrien, vous le voyez pas, Adrien est en train de mimer un volant ou en train de traire une vache. Elle fait du karting. Non. De livraison. Un service de livraison. Mais non, mais là vous êtes tout près. Quelconque. Un service à plusieurs avec une voiture. Mais un taxi. Mais non. Un bus. Covoiturage. C'est la plus vieille utilisatrice de BlaBlaCar. Qui est notre sponsor. Je plaisante, on a plus de sponsor depuis très longtemps. Merci. Okay. Ça devait être une 205, quelque chose comme ça. Okay. Il y avait un tas de bagages et c'était pas d'un confort extrême. Mais nous avons fait pour la première fois du covoiturage en 1950, nous dit Mado. Alors à l'époque, c'est depuis le. Ouais, d'accord. Mado Lamito. C'est pas une, c'est pas une 205 en 1950. Oui, Mado Lamito. Ah bah c'est elle qui dit. Je m'y connais en manuel, moi. Ça fait une semaine. Cette ancienne assistante maternelle a pris goût à ses trajets avec des inconnus. Il y a tellement de gens différents. Il y a tout un échantillon de professions, de caractères. Je trouve ça super. J'ai rencontré un jeune homme qui fabriquait des drones. Un autre qui était maréchal ferrant et déférait les sabots des chevaux. Nonagénaire garde même contact avec certains, comme ce futur papa rentré l'an dernier sur un trajet. Il m'a envoyé une photo de sa compagne et de son bébé. Je trouvais que c'était gentil. Il y a des gens plus ou moins intéressants. Mais quand on fait 600 ou 800, ça j'aime bien. Il y a des gens chiants un peu. Oui. Et quand on fait 600 ou 800 km avec la même personne, on a le temps de créer des liens. J'ai une question capitale. Dis-moi. Elle conduit ou elle est passagère? Ah non, elle conduit. Mais qui dit oui? Non, mais pardon. Ah moi, je vois covoiturage 96 ans, je fais bon. Non, il y a les âges. Il te donne l'âge. Je sais pas, mais en même temps, j'ai jamais utilisé. Il y a 92 ans et c'est un bon sketch, quoi. Tu arrives, il n'y a pas l'âge et tu vois la dame, tu fais oula. Oula. Là, j'ai pas mes lunettes. Alors. L'autre fois, il y avait une personne âgée comme ça qui essayait de se garer devant un commerce. Et vraiment, il essayait de se garer sur le truc pour monter, pour la petite rampe pour handicapés pour monter à la porte. Pas du tout une place de parking. Il y avait ça et les bits en plastique. Les poteaux quoi. Les poteaux. Ouais. Et donc, il galérait et il pestait parce qu'il rentrait pas dans la place, mais qui n'était pas une place, puisque c'était l'entrée du magasin. Puisque c'est là où on met les caddies. Il s'est quand même mis là, il est sorti de la bagnole, il est parti. Mais je me suis dit, si tu vois pas que c'est pas une place de parking, alors sur la route, qu'est-ce que tu vois à 50. Combien de personnes as-tu renversé sur le chemin? Oui, en disant, oh, ça passe pas là. C'était Galabru par contre. Alors, j'arrive pas à me garer. Bon, là, je t'erre un peu. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Bah oui, on y va doucement. Ça me fait du bien. Oh, oui. Moi, j'ai eu un accident avec une vieille, mais l'accident le plus long de la terre. J'étais dans des bouchons et il y a une voiture qui voulait sortir, conduite par une vieille, et la voiture a reculé. Et je fais, elle va s'arrêter quand même au bout d'un moment. Et j'ai klaxonné, et elle s'est enfoncée dans ma voiture, mais doucement. C'est-à-dire qu'elle a, tapé. Mais attends, elle a fait une marche arrière dans des bouchons. Parce qu'en fait, c'était le long de c'était des bouchons en ville, et donc elle sortait de sa place de parking. C'est sur le côté, quoi. Ah oui, okay. Et du coup, elle sortait en marche arrière et elle voyait pas. Et elle a touché. Et non, elle n'entendait pas parce que je klaxonnais quand même. Et elle touchait et elle continuait de reculer sur ma voiture. Donc elle a enfoncé un petit peu ma portière, mais très lentement. Elle a tapé sur le côté. Ouais. Bah parce qu'elle sortait, tu vois, comme ça. Oui, mais t'aurais pu être. Ah non, j'étais vraiment le long, quoi. Peut-être que c'était Mado. C'était peut-être Mado. Mado BlaBlaCar. J'arrête de dire du bien des marques parce que tu sais qu'il y a Quick maintenant qui nous a pris notre. J'en ai marre, hein. Je vous le dis, les marques. Quoi? Quick, ce que j'ai dit la dernière fois, oh, moi, Quick, j'aime bien et tout, machin. CM de Quick sur Twitter qui prend ma phrase en disant j'adore Quick et tout. Stop les gars, franchement, on arrête maintenant, ça va. Donnez-nous de l'argent. Envoyez des chèques, Non, stop os là, stop. Moi je bois beaucoup de Ricoré, je veux bien que Ricoré. C'est vrai qu'il. Non, puis en plus, moi je peux pas blairer Quick, c'est de la grosse chiasse. Ça tue les animaux. Et c'est de la merde, voilà. C'est bon ça pour vous? Mettez-le sur votre Twitter là. Et allez, Burger King qui va prendre ça. Le site sur leur truc. C'est la merde aussi ça. Moi j'adore les thalasso, voilà. Ah oui, bah, bien sûr. Voilà. Moi j'adore les thalassa, mais c'est fini. Moi j'aime bien Ted Lasso, mais je trouve que c'est fini aussi la série. Ted Lasso avec Georges. Comment il s'appelait? Georges Pernoud. C'est Georges Pernoud dans Ted Lasso. Ted Lasso. Alors, un classement est sorti des choses qui agacent le plus les Français dans les mails professionnels. Ok. Ça, c'est généralement, c'est pour moi. Est-ce que c'est ceux qui font répondre à tous pour un truc? J'imagine. Alors, ça n'y est pas. ça n'y est pas. Je sais qu'Adrien en partage un, mais plus personne ne l'a jamais fait. À l'époque de Golden Moustache, mettre des phrases en rouge. Ah, là, ça me rendait fou de rage. Oui. Ah, en rouge, mais attends, parce que c'était pas que en rouge, c'était en rouge, en gras, souligné, à gauche, il y avait différents à droite, degrés. C'était de... Yannick hein, qui nous envoyait des mails. Hein. Oh, les refs. Ah ouais, celui-là. Moi, ah, ouais, j'ai cherché un Yannick chez Golden Moustache surtout. Non, mais c'est ça, c'est. Est-ce mais il n'y a pas tout ça. Y a les, pas tout les ça. Trucs de bien-pensance et bien à vous, en espérant bonne réception. Ah oui, oui. Alors, non, ça non. J'ai deux suggestions. Merci de répondre. Pardon, excuse-moi. Vas-y. C'est, j'avais ça, il y avait merci d'eux, mais je pense que ça non, y est pas y parce est que pas. C'est trop truc. Ouais. Et sinon, est-ce qu'il y a les adverbes liés à l'activité, genre musicalement oui, d'accord. Oui, oui. Non par exemple, moi je signerais cinématographiquement. Oui, Alpe-Duezement parlant. Alpe-Duezement. Alpe-Duezement. Gros singe rougement. non, c'est pas ça, ça te y est pas. Un jour, je vous jure, c'est vrai, on m'a renvoyé un message pour me dire que j'avais pas été prise à un concours. Il y a eu. Théâtralement vôtre. Oh, oh non. Bah, surtout vous pour vous une réponse. C'était le TNB de Rennes. Enculé, ouais. Okay. Attention, ils vont le mettre sur leur Twitter. Hein. Attention. Est-ce que c'est que tu oublies juste l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir tu le mail où tu réponds que à un des gars alors que tu es censé répondre à tout le monde. Ah non. Non, ça, mais c'est des trucs la pièce jointe. Ah oui. Ouais, j'allais dire ça. Oublier la pièce jointe. Ouais, non. Non, ça va. Là, ça n'arrive plus parce que maintenant, quand tu dis un truc, il c'est vrai. Gmail en tout cas te dit attendez. Je ne lis pas vos mails, mais. il me semble que vous avez utilisé le mot fichier. Notre mentaliste, Chantal Latsou, qui bosse au. Chantal le dit attendez, la pièce jointe. Ah, t'oublieras ta tête un jour, alors. Quand il y a tous les no- toutes les adresses mail de tout le monde. Non, invisible. Ah oui. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, ce n'est pas faire des erreurs de mail. Ça doit être des trucs plus basiques. Des signatures simples. Automatiques. Ah oui, non. Des photos dans en bas. Non, ce n'est pas ça. C'est dans les mails professionnels. Pas alors, les, ou les cela boucles dit, de mail. Ça peut être dans tous les mails. Mais boucles de mail ou mail. Mail. Mais. Comme le jour. Se tromper du nom de. Ah oui. Bonjour Vincent, c'est mon nom de famille. C'est oui, non, ça t'énerve ça visiblement. On embrasse Taous qui, à ce jour, n'a pas eu un seul mail avec son nom bien orthographié. Non, écoute, je vais t'accorder celui-là pour vous donner un peu sur le. Pour vous mettre sur le chemin de ce qu'on cherche. Les fautes d'orthographe. Voilà, tout simplement. Vos gueules. C'est clair. Oh, ouais, je suis d'accord. Moi, ça m'énerve aussi, on s'en fout. Oui, ah d'accord. Ah oui, on s'en fout des fautes d'orthographe. C'est très grave. Oui, puis il y a des gens, c'est pas de leur faute quoi. Une fille s'était trompée, la pauvre. J'avais fait une série, elle travaillait sur notre série, elle avait envoyé toutes les infos de l'autre série. Et c'était la série de Booba, là, le truc qu'ils vont sortir. Ah oui, bien sûr. Il y avait vraiment tous les contacts de tout le monde, l'adresse, les où se passait le tournage, etc. Ah oui. Oh, j'avais envie d'aller faire un petit tour. Mais j'ai pas été. Moi, une fois, j'ai fait. Alors, c'était pas sur un mail, mais on faisait des réunions à Golden Moustache et j'en faisais avec Carlito. Et la personne qui était directeur artistique de la pub à l'époque. Oui, bah c'est moi. Ah non. Non, on s'entendait pas très bien avec elle. Et un jour, j'arrive en retard. Et j'envoie à Carlito en texto, je sais pas, appelons-le Monsieur François. J'ai envoyé, tu diras à France Merde que j'arriverai en retard. Et le France Merde en question m'a envoyé un message en disant France Merde a bien reçu l'info. Parce qu'en fait, le portable de Carlito était écran vers le ciel et il avait vu le texto. Il avait pas le truc aperçu. Non, pas encore. Et non. Et ça, c'était un peu froid. Et alors, attention. Ouais, mais ça, a France de merde. Ça a mis les choses à plat, disons, ouais, avec ce France merde. Merde, il a un prix à l'Alpe d'Huez ou pas? Mais ça vaut pas le coup de l'appeler France merde quand même. Pour moi, tous les gens qui ne sont pas affiliés de près ou de loin à ce film, à un projet primé à l'Alpe d'Huez sont des merdes maintenant. Un Valentin. Si, mais t'es... je suis là avec vous, voilà. Toute la famille. Je vous rappelle que c'est le prix famille, d'internet. La grande famille d'internet. C'est le prix d'internet. La grande famille d'internet. Là. Attendez, ça n'existe pas. Thibaut Inchep qui passe pour. Pardon, pourquoi je parle de ça? Bah, Internet. Bah oui, voilà, il est premier, mais deuxième. Il sera premier. Il reste derrière Squeezie. Il a battu Cyprien cette semaine. Et moi, je suis Team Cyprien, moi. Bah, toi, de toute façon. Bah, t'es Patrick Team Cyp, toi, comme on disait. Bah, j'adore. Tu sais qu'on s'appelle nous les Cyprien et les Scribouillards parce que c'était ChatGPT qui nous a suggéré ce nom pour les réunions qu'on faisait. Donc on l'a gardé. Mais je préfère Patrick Timsip. La Timsip. La Patrick ouais. Timsip. Alors les mails qui agacent les gens. Bon, pardon, oui, oui. Oui. Oh, on dérive, hein. Oh, ça fait 7 minutes. Je recadre. Tu joues au théâtre avec Bingo Lasco après. Ouais, mais c'est très tard, donc ça va. Voilà, ok. Très bien. Ah, tu joues juste après. Mais bien sûr. Combien de dates, Justine? 315. 315. Pas une, pas deux, pas trois. 315. Et le spectacle dure combien de temps? Une heure et demie. 1h50. 1h50, donc quasi 2h. Ah ouais. Quasi 2h. 600 heures caché comédien. C'est ton statut, tu l'as, non? Ah, écoute, oui. Le statut. Oui, oui, il tourne bien. Il tourne bien. Putain. Franchement, je sais pas comment vous faites. Bah ouais, mais c'est une machine, cette meuf. Cette meuf, c'est une machine. C'est une machine. C'est une machine à dégueuler, généralement. Une machine à gerbe, ouais. Un gerbotron, on l'appelle la gerbotron. Jamais vomi pendant les représentations. Ah bah tant non. mieux. Non, ceci dit, oui, ça serait une anecdote. Contrairement à Jacques Brel qui dégueulait avant chaque. Il y a très peu de dates où il n'a pas dégueulé, Jacques Brel. Ouais. Il chiait sur scène, on le dit moins. Mais... C'était la chanson de Brassens aussi. Non, c'est oui, pareil. Et c'est la chanson de Dalida. Je préfère chier sur scène. Ah si, je vous jure. Oh là, moi je crois que je connais pas Dalida. J'adore. Bah, fallait pas nous inviter, non, non, moi. Attendez, à quoi là, je m'inclus. Que, voilà. Non, mais je m'inclus dedans à 100%, attendez. Ringard n'a jamais été un défaut attention. Ici. Hein. Attendez, c'est pas plutôt du la DA évidemment. D'origine. Là, on retourne nos sources en fait. Des fois, on s'éloigne un peu avec des deuxièmes ou avec des gens comme ça. Voilà. Là, c'est la source. Oui, oui. Là, on est là, c'est le caca, là. Il y a des jeunes qui nous écoutent un peu. Adrien Holmé, on t'embrasse. Oh là là, il y a eu une rencontre entre le comédien qui joue Adrien, enfin, non, Adrien qui joue Bastien dans mon film. Et Adrien Méniel, une rencontre d'Adrien sublime. Oh, je l'adore. Les deux jeunes là, ils sont géniaux. Bon, Lily et Adrien, des stars. Putain, alors les mails, bon, les gars. Les mails. Je vous en donne un comme ça. Attends. Les familiarités. Voilà. Ah oui, c'est très large. Ah oui, salut mon poulet. Bah, encore ouais, dans un mail pro. D'accord. Et il y en a combien? Les mails trop longs. Il y en a 17. Ah oui. C'est vrai, c'est 17. Bien. Non. Mais ça va faire l'émission. Les mails, des romans, tu sais, pour une info très précise. Non. Il y a pas du coup effectivement mettre en gras. Je l'ai un peu. Alors vous êtes pas loin. Mettre en changer la police. Non. Genre comics sans MS. Ah, les newsletters de merde là. Non, bah ça c'est encore autre chose, mais non, ça c'est vrai que les pièces jointes. J'ai fait ça il y a une semaine, Justine. Je me suis désabonné à plein de trucs que je recevais et que j'avais oublié de enfin juste il faut je, dire que ça marche hein. Je me les prenais dans la gueule et en fait marche. Non, tu peux te désabonner de tout ça et tu quand il y a un lien, alors c'est la chose la plus petite qui existe vraiment, il y a les atomes et en dessous il y a le lien pour se désinscrire et tu cliques dessus et ça marche hein. Ouais, vraiment, ça marche, tu reçois plus les trucs. Allez, je vais vous les donner parce que il y a encore quelques trucs à trouver. Les points d'exclamation. Alors, on n'était pas loin avec le gras. Non, ça dépend. Un point d'exclamation. Oui. Un petit. Bon. À partir de deux, la folie qui doit être dans les yeux de la personne qui est en train de taper. Pour moi, ça s'est vérifié dans ma vie personnelle. Hein. Quelqu'un qui mettait beaucoup de points d'exclamation et souvent. Une personne instable, malheureusement. Et en fait, numéro 1, l'utilisation d'émojis. Ah! Oh! Dans les mails pro. On peut plus marrer en fait? Bah ouais. Ah, en fait, dans les mails pro! Ouais. Ah, moi, j'en mais même un petit sourire. Faut pas le mettre alors? Non, bah tu peux faire ce que tu veux, mais apparemment mais tu énerves les gens. Non, mais attends, mais toi, t'es saltimbanque, t'as le droit. J'en mets partout, faut que j'arrête. Moi, je mets un peu des points. Toi, tu peux mettre un wave de toi en train de lâcher une caisse, ça passe. T'es une actrice. Non, mais. C'est très spécifique, Adrien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma signature de mail. Oui, je vais faire ça! Vous trouvez en pièce jointe. Moi, j'utilise jamais d'emojis, je me rends compte. Ah ouais. Ah, moi, je n'utilise jamais. Moi, j'ai une crainte avec les emojis, c'est que comme il y en a qui ont un double sens et qu'il y en a plein maintenant, ouais. Des fois. Non, mais bah, les aubergines, je l'ai. Mais justement, des fois, je me dis, ça se trouve, là, moi, je mets la bouteille de champagne parce que je suis content, mais c'est clairement. Ça veut dire spermé, ouais, ça c'est spermé. Et moi, c'est l'inverse. Je sperme sur Twitter. Enfin, bref. Et non, mais j'ai une vraie crainte, du coup j'en utilise très peu, j'utilise sourire, voilà. Oui, et, voilà. Et un petit clin d'œil quand je suis un peu. filou. Oh, ouais. Là, t'as 2 grammes dans le sang quand c'est comme ça. Et non, mais j'ai un vrai truc de. Oh, ça se trouve, il y a un sens que je connais pas chez les jeunes. Bah alors, tu me donnes un. C'est tout trouvé là, tu me tends une perche. Savez-vous qu'un Britannique de 10 ans a lancé une pétition contre Apple pour faire supprimer un emoji? Je vous demande lequel. Celui alors, qui pleure de rire. Pas celui qui pleure de rire. Est-ce que c'est genre le smiley de base? Pas le smiley de base. Est-ce que c'est un emoji qu'on utilise régulièrement ou il est allé chercher le petit la part de pizza sur un glaçon? Non. Fait un truc. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est un woke? Alors c'est alors un petit peu. Ça peut. Non mais est-ce que c'est genre pas, parce alors, que c'est l'emoji, ça que je voulais l'emoji dire. Woke. Non, le gamin, je parle. Oui. Alors c'est un peu woke entre guillemets, mais je vais répondre aussi à ta question. C'est un emoji pas très utilisé, mais quand même beaucoup plus que effectivement bâtiment hôpital ou des drapeaux ou des trucs comme ça. Et lui, il fait une pétition parce qu'il trouve ça offensant. Il trouve ça offensant, exactement. Envers une communauté spécifique. Exactement, dont lui, dont il fait est-ce partie. Est-ce qu'il a exactement la même tête qu'un emoji ou c'est vraiment animal. Pas de bol, tu vois. Il a toujours les mains en l'air comme ça, un pull vert et tu fais c'est un petit bonhomme. Petit bonhomme. Alors, puis il est jaune en plus, donc ouais, c'est pour lui. Non, c'est alors. Lui, il trouve pas qu'il ressemble, mais il peut être utilisé cet emoji pour l'offenser lui, effectivement. Ah. Ok. C'est un animal. Pas un animal. Est-ce que c'est un emoji qui représente un humain? Oui, une tête normale. Enfin, normale. Ah, exactement. Mais les attends. Non. Les humains ou les têtes jaunes? Non, les têtes jaunes. Ah, ok. Tête la jaune d'ailleurs. Est-ce que c'est est-ce que c'est l'emoji J'ai un prix, j'ai un singe rouge. Tu sais l'emoji pour faire genre je suis un peu coquin là avec le sourire en coin parce que il est celui-là hein, parce que genre il est hémiplégique et du coup Non, mais attends. Non mais oui, mais t'as raison. C'est pas une blague du tout. Non, c'est non mais ça m'a surpris. C'est malin. C'est-à-dire que ça a commencé bon, sexy et il y a eu hémiplégique juste après. Non, ce n'est pas ça. C'est pas l'emoji qu'ils font parce que pour la même raison. C'est pas un truc de maladie, c'est pas un truc voilà. C'est un gamin. Et les emojis qu'ils font, on l'utilise pour quoi d'ailleurs, pardon c'est genre où tu mâches, c'est un peu mignon. Ouais, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ironique aussi l'emoji qu'ils font. Alors, moi, celui-là, je ne comprends pas l'utilisation. Merci, merci. Parce que tu dégoulines de mignonnerie. Oui, alors, pour moi, c'est ça. Mais il y a des gens qui l'utilisent de façon ironique, genre Macron, le réarmement machin. Et il y a l'emoji qu'ils font, genre j'en peux plus. Alors là, j'essaie de garder le sourire, mais je suis en train de cramer un peu. Tu vois, et ça m'énerve. Vous voyez bien que c'est évidemment je fonds. Arrêtez de Bah oui, mais les gens, la pop culture, on s'approprie. C'est une langue, hein, les emojis. Bah, c'est vrai. Mais moi, j'utilisais beaucoup les emojis quand c'était des virgules et des parenthèses. Les smileys, du coup. Ouais, voilà, les smileys. Moi, on a fait un sketch, même, je te rappelle. Ah bon? Oui, avec Caroline Anglade, là. Ah oui, c'est vrai. Oui, ouais, c'est vrai. Tu es là pour lui rappeler ce qu'il a fait. Bah oui, j'avais oublié. Si, c'est avec Julien. Tu jouais dedans, trou de balle, enfin. C'est pas un sketch sur les smileys. C'est un truc de. Il y en a dedans. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais tu t'es un trou de balle. Non mais voilà. Ah bah j'adore. Pardon. Oh bon. Non alors c'est un emoji vraiment qui fait partie des le clown. Pas le clown. Tête de mort. Ah parce qu'il est tête de mort mais on est pour s'approche. Alors quand il est de gothique. Prenez-le à l'envers. C'est un gothique. Quand on a 10 ans. Ouais. On peut se faire un peu bizuter pourquoi? Des lunettes. Donc c'est lui avec les lunettes. C'est l'emoji nerd. En fait, il y a un emoji avec des lunettes. Et, il a 10 ans. Alors déjà, on va commencer à mettre. Mais... bah, non, mais oui. Souchon aussi, il a eu 10 ans. Il en a fait une chanson, d'accord, mais il est pas. Ça méritait pas. Mais voilà. Non, mais on voit la différence. Voilà. On a 10 ans, ils font une chanson. Voilà. Ils font une chanson parce qu'ils se disent effectivement, j'ai 10 ans. Bon bah. Après, la rumeur dit que c'est pas vrai. Ah oui. Mais... Ah mais c'est vrai. Et moi j'aime toutes les rêves de cette émission. Souchon, tu te régales. C'était un peu pour toi. Celle-là. C'était comme un petit baiser sur ta joue. Oh, bah, je l'ai pris comme ça, tout doux. Oui, c'est un Britannique de 10 oui, ans. Il a 10 ans. Teddy vient de lancer une pétition pour le supprimer, selon la BBC, c'est en écrivant un SMS à son cousin que le jeune. Je me permets une petite dégueulasse cette flotte. Mais oui, elle a le goût de. Elle est dégueu. Ah bon? Oui, je me permets aussi. Ah bah allez chercher l'autre bouteille. J'arrête d'en boire. J'arrête les taux d'ailleurs. J'arrête les. Oui, oui. Non mais vous pouvez prendre l'autre bouteille. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'il dit un mec qui arrête de bricoler? J'arrête les taux. J'arrête les taux. J'arrête. Tout reste aussi, mais. Le Joker arrête de bricoler. J'arrête les taux. Un banquier aussi. Merde. J'arrête les taux à 10%. Là. Tout ça, j'arrête. Oh, c'est nul. Non, comment? Ah non, c'est sublime. C'est deux banquiers qui discutent. Un banquier et un bricoleur. Oui, c'est un banquier et un bricoleur qui discutent. D'Hollywood. Il cherche un comédien. L'Hollywood, tu voulais dire. L'Hollywood. T'as dit Dollywood. Non, Dollywood, Dollywood, parce que c'est pour Jared Leto. Ah, pour Jared Leto. Comment ça? C'est un acteur. C'est un acteur, Jared Leto. Ah, Dollywood, je crois. Oui, oui. Non, mais je crois que tu disais. Ou un boucher. Vous voulez quoi? Du Jared Leto ou du Jared de Bœuf? Oh non. Si, c'est ok. Je crois que tu disais Dollywood, le parc d'attractions de Dolly Parton. Oh la vache. Alors, donc la BBC. Dolly Parton, elle a un parc d'attractions qui s'appelle Dollywood. Eh ben, je l'apprends. Bah non, mais ça a l'air. Benabar aussi, un parc d'attractions. Le Benabland. J'aurais pu trouver Bar quelque chose. Ah oui, le Benabar. Un Benabar. Oh la vache. Et t'as gagné un prix. Et tu l'as écrit ton film en plus. Eh ben. Non, mais visuellement, le parc d'attractions de Benabar me faisait rire, mais c'est vrai qu'à l'oreille. De toute façon, tu vas jamais au parc d'attractions de Benabar. Tu préfères rester sous la couette. Rester sous la couette. Manger une pizza sous la couette. toi la télé et moi. Alors, j'ai envie que je trouve le nom de par l'attraction. Le Chantal là-dessous, il y a forcément. Alors, bon, Teddy là, le petit gosse là, il s'est rendu compte que les emojis représentaient un personnage à lunettes avec des petites dents en avant qui lui donnaient un air un peu simple. Non, non. Oui. Adrien, non. Vas-y, t'as levé la main. C'est trop tard. Hein. On a un prix à l'Alpe d'Huez, donc vas-y. Pas... Non, mais il marche pas du tout. Ah, bah c'est d'autant plus. On va faire un silence. C'est vrai que Benabar marche particulièrement bien. Non, j'utilise mon droit de rétractation. Il se retire. Donc l'écolier s'est alors ouvert à son institutrice qui l'a aidé à lancer la pétition d'abord à l'école, ensuite en ligne. Apple fait quelque chose d'horrible pour les personnes qui portent des lunettes, ils font croire aux gens qu'on est des nerds, terme péjoratif désignant à la base des passionnés d'informatique un peu fermés sur eux-mêmes. Et si moi je trouve que c'est offensant, il doit y avoir des milliers de personnes dans le monde qui le pensent aussi. Et donc il y a effectivement beaucoup de signatures. Il y a déjà marqué nulle part que c'est un nerd. Non, mais il a des c'est vrai que c'est utilisé. Il a des petites grosses lunettes. Des bouclettes, t'as dit ? Il a pas des bouclettes ? Il a des petits cheveux. N'importe quoi, il a pas de cheveux du tout. Ah bon ? Je sais pas, dans ma tête, il y avait des bouclettes. De Mabulios. Moi, j'ai des bouclettes. Je l'ai pris perso. Il a carrément révélé un truc. Ouais, il a des t-shirts de référence. Il a un gros singe dans la main. Putain, c'est très ciblé. Dans une enquête menée par l'IFOP. C'est vrai que j'ai un énorme singe rouge. Hein. Là, il faut savoir que les gens, Il l'a dans la main depuis le début. Ça sature mon micro parce que je tiens le singe en il même temps. Il ne peut pas régler les potards. Ah bah non, c'est impossible. Ma main est prise par un énorme singe. Tu pourrais parler comme Panaclote, ton gros singe. Tu pourrais le faire parler. Tu ferais un super bon duo. Salut, trop de mal. Regarde-le, il gueule là à côté. Il est magnifique. Ouais. Faut le dire aux gens d'ailleurs. Je l'ai déjà un peu beugné. Oui. Parce que quand je suis sorti de la chambre d'hôtel, j'ai cogné un peu le primate et du coup j'ai un petit peu. On dirait un truc pour dire se branler. Ouais, je vais aller cogner le primate. Oh, je viens de me cogner le primate pendant une heure. Cogner le primate, ça va pas faire un long feu. Je me suis cogné le primate dans la chambre d'hôtel. Je suis venu pour ça. C'est pour ce rire que je suis venu. C'est Valentin. On précise. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était avec Brassens Foudnibar. Oh putain. C'est à qui reste malheureusement mon plus gros succès. Comment tout ça, projet malheureusement confondu. Comment ça? Ah bah. Alors. Non, j'en suis très fier. Dans une enquête. Seul truc qu'a partagé ma mère sur Facebook. C'est vrai? Brassens Foudnibar? Oui. J'étais le premier surpris. Elle l'a partagé sur quoi? Bah, l'extrait du Floatcast, je sais pas si oui, bah, qui a été dessiné par Kixama, je pense. Non, mais il n'y a pas eu. Ah, mais parce qu'elle est CM de Brassens, peut-être, et du coup, elle a eu. sur son Facebook, perso, quoi. Ouais. Ah oui, voilà, sur Facebook. Elle était très fière de son fils. Est-ce que vous savez. Et il y avait de quoi. Est-ce que vous savez ce qu'est le bird test? Dit le test de l'oiseau. Ah, j'en ai entendu parler, mais je sais pas ce que c'est. Ah, bah alors attendez, il faut trouver. C'est un test qu'on fait en couple. Ah, si, ça y est. Fait le meilleur score à Flappy Bird? Non. Flappy Bird. Je sais. Alors attends, on va essayer un peu avec Justine et Adrien. C'est et un Valentin. Indice. C'est oui. De la grosse merde. D'accord. Non, mais c'est un indice qui vient d'Adrien, donc ça englobe. Tu disais. C'est très large. Est-ce que c'est un rapport avec la fidélité comme deux inséparables? Non. C'est un rapport, comme c'est en couple, c'est un rapport avec l'amour de l'un pour l'autre. Alors, c'est d'une certaine manière, manière. Non, oui, j'essaie de participer un peu. C'est un test. En fait, c'est sur TikTok hein, qu'on l'a vu beaucoup, ce test. Oh là là. Donc, sans doute 95% faux semblant. Oui, voilà. Pour faire. Donc les gens ah, tu penses à l'Empire en... romain? Non, ouais, comme tout le monde. Jamais, évidemment, jamais. J'ai pas la référence. Ah, tu l'as pas? C'est dans TikTok. C'était TikTok où les meufs disaient si vous demandez à votre mec combien de fois il pense à l'Empire romain en une semaine, il va vous dire un chiffre complètement inattendu, genre 5 fois ou tous les jours. Mais ça, pour moi, ça reste encore un prank. Hein. Je comprends pas ce truc. Hein. C'est tellement bizarre. La meilleure analyse, c'était les mecs du podcast, ce que je pense aussi, mais qui l'ont dit, dans un podcast qui est très bien, qui s'appelle The Basement Yard. Okay. C'est juste deux mecs qui se hurlent dessus pendant deux potes. Et ils disaient, c'est vraiment juste des gens qui veulent faire leurs intéressants d'une part et tu vois dire nous les mecs on a notre truc tu vois se sentir faire partie de quelque chose quoi dire ouais moi aussi je pense à l'Empire romain ouais. Arrête de mentir. tu non, le dis parce que c'est spécifique, c'est tellement étrange vraiment. Est-ce que ça a rapport avec le chant? Non, pas le chant. Petit point. Mais non. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ornithologie? Non, pas vraiment. Pas du tout. Enfin, si. En gros. Ah bah ouais, les oiseaux. C'est avec pas un titre par rapport à un gars. C'est un test que tu fais pour voir quelque chose chez ta compagne ou ton compagnon. Mais ça implique un oiseau. Tu le pousses par la fenêtre, tu vois s'il vole. Oui, alors non, sinon il décède. Oh. Eh oui. Et oui, ça implique un oiseau. Par un sifflet. pas si. Non, oh là, il voulait. Ça implique un oiseau. Il y a un oiseau dans le. Oui, ça implique. Ah, oui. C'est the bird test. The bird test. Donc il y a un pauvre oiseau qui doit. Oui, non, justement. Il est pas. Justement. Il est pas maltraité. Ah. Non. Et est-il seulement là vraiment? C'est ça la question. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu dis, hé, regarde l'oiseau et tu regardes, tu vois si le mec il regarde ou pas. Très bonne réponse. Attends, comment, de Justine Le Potier. T'as deviné ça? Ah, je te jure, la vérité. Wow. Mais tu vas à la fenêtre et tu dis à ta meuf ou à ton mec, oh là, il y a un bel oiseau là. Et s'il se lève pour aller voir, c'est qu'il. Alors, selon ce trend TikTok, bien sûr, c'est qu'il s'intéresserait encore à toi et à ce que tu fais, alors que s'il ne vient pas. Eh bien, là, là, oh là là, du souci à se faire. Non, je, crois, que c'est aussi même genre à une terrasse de café, tu fais oh, y a un oiseau là, et s'il tourne la tête ou pas. Oh ça bah là, aussi... c'est vraiment, s'il ne tourne pas la tête, c'est vraiment bizarre. Mais pour moi, c'était genre dans l'appart, quoi, tu vois, t'es à la fenêtre, tu dis oh regarde, y a un bel oiseau. Si la personne reste sur le canapé, oh là là, fuyez. Oui, oui. Pas du tout. Moi, vraiment, si vous me dites juste un oiseau, je pense pas que je bouge. Oui, à Paris, bah, sans doute un pigeon de merde. Peut-être pas me lever, quoi. Mais c'est ça, ça dépend d'où t'es. Je suis abonné à Nuts About Bird sur Instagram. Donc, c'est quoi, c'est quoi le. Avec des photos de beaux oiseaux. Ah, c'est des photos, c'est même pas des vidéos. Ah, tu pourrais peut-être te lever, du coup. même si tu n'aimes plus la personne, tu pourrais dire attends, je suis passionné de. d'ornithologie. Tu pourrais dire attends, j'en ai plein mon téléphone, je peux me lever. Non, mais est-ce que je me lèverais? Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être. Moi, je peux me lever. Ça dépend de la personne. Si c'est une énorme buse, par exemple, oui, voilà, je pense que je me lève, voilà, évidemment. Ouais. Trésor de la buse. Je suis fou de buse. Moi, je suis fou de buse. Hein. Ah ouais. Jamel. Jamel de buse, bien sûr, évidemment. Oui. Un homme a retardé 13 trains dans la soirée du 16 janvier en France. Qu'a-t-il fait, à votre avis? Pardon, en Allemagne, pas du tout en France. Ah ouais. La date, on s'en fout. On s'en fout, c'est juste que c'est récent, quoi. C'était le 16, c'était il y a 10 jours. Il a retardé 13 trains. 13 trains. Volontairement. Non, si sûrement, oui sûrement. Est-ce qu'il était sur la voie tout bonnement? Il était sur la voie, mais il ne faisait pas n'importe. Enfin, il mangeait. Il faisait caca. Il mangeait pas. Il faisait pas caca. Il était tout nu. Il était pas tout nu. Il streamait. Il ne streamait pas. Il streamait sur la voie ferrée. C'est très étrange. Il n'était pas tout nu, non. Il bronzait. Il ne bronzait pas. Il était conscient d'être sur une voie. Oui, je pense. Est-ce qu'il y a un truc où il se dit oh putain qu'est-ce que je fais là? Non, non, je pense qu'il était conscient. L'histoire ne le dit pas, mais vu ce qu'il a fait, si, je pense qu'il était conscient. D'accord. Mais est-ce que c'était, on était sur quelqu'un qui avait un petit peu perdu la boule ou C'est pas à moi de le dire, consommer mais j'ai l'impression que oui. Non, mais c'est pas un, genre un vieux qui avait aucune conscience de ce qu'il faisait. Non. Il y avait un acte revendiqué. Bah, visiblement, la personne a 30 ans, voilà, je peux vous le dire. Ok. Voilà. Uh-huh. Et donc, il resserrait les boulons, pardon. Il réparait. Il réparait, c'est du bon. Là, ça, à chaque fois que je passe en train, il y a un petit. Est-ce qu'il a volontairement 13 fois arrêté des trains ou est-ce que ça a fait qu'un Non, l'action qu'il a fait sur ses voies a retardé 13 trains dans la journée, mais il l'a pas fait sur 13 trains. Est-ce que. Il a demandé quelqu'un en mariage? Non, pas du tout, il était tout seul. Est-ce que son activité a un rapport avec les trains? Non, pas du tout. Juste, il faisait un truc, mais il se trouve qu'il le faisait au milieu de la voie, quoi. Exactement. Il voulait emmerder le monde. Encore une fois, l'histoire ne le dit pas. Ah, c'est pas une mini manif. Non, c'est pas une mini manif. Il jouait aux jeux vidéo. Il ne jouait pas aux jeux vidéo. Mais, sinon, streamer, je t'aurais dit, oh, pas loin. Mais parce que quand on a demandé s'il était à poil, t'as fait. Il était pas à poil. Donc c'est potentiellement une activité qu'on pourrait faire à poil. Tout à fait. Se laver. Non. Mais il tournait une vidéo porno avec. Il se branlait. Ouais. Tout simplement, il se branlait. On n'a pas dit ça au début. Non, j'ai pas entendu se branler. Non, on a dit chier. Oui, c'est ça. Je confonds les deux. On peut faire les deux séparément. J'ai tendance à confondre. C'est un motif plutôt surprenant qui a interrompu le trafic ferroviaire allemand à Kassel. Alors, rien à voir avec Vincent. Vincent. Non, mais je vous le dis, parce que ça va vite, le web. Ouais. Un homme a paralysé la circulation des trains dans la soirée du mardi 16 janvier parce qu'il se masturbait sur la voie. Le conducteur a dû freiner rapidement en approchant la zone où se trouvait l'homme, a déclaré un porte-parole de la police locale. Oui, il y a une petite démence quand même. L'homme âgé de 30 ans était allongé au milieu des voies ferrées, le pantalon baissé, et était en train de se masturber. Ouais, le train a réussi à s'arrêter juste avant de percuter le trentenaire. Celui-ci, visiblement peu perturbé par l'arrivée imminente de l'engin, au contraire, j'imagine, a continué à se masturber sans se soucier du monde ou des potentiels témoins de la scène. Certains passagers ont d'ailleurs filmé la scène insolite à bord du train. Des chouettes petites vacances. Ouais, mais... Donc effectivement, là, est-ce qu'il avait un petit peu perdu la boule? Potentiellement. Oui, voilà. Bah, je en tout cas, pas. Il a failli. Oh, oh joli. 20 cm près. Voilà. Mais est-ce que vous êtes déjà branlé sans... Quoi? Est-ce qu'il était. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il était excité par les trains ou jusqu'à ce qu'il voulait finir de façon. J'attends la news du Go Décrypte, encore une fois. Qui décrypte cette info pour qu'on sache le vrai du faux. En fait, ce que je me demande, c'est si. Parce que si tu t'allonges vraiment sur certaines voies. Le train, il peut passer au-dessus de toi sans te percuter. Oui, est-ce que le mec, c'était pas genre un kiff de genre, je me branle et il y a le train, il passe au-dessus Mission de moi. Mission impossible de la branlette, quoi. Tu vois, c'est ça, comme l'hélicoptère dans le tunnel. Il a croisé Tom Cruise. Oh, Tom Cruise qui s'est pris une. le bruitage. Bah, c'est comme je pouvais pas être visuel, je me suis dit j'allais faire sonore. En plus, Tom Cruise, vu qu'il fait ses propres cascades, il se l'est vraiment pris en pleine gueule. C'est vraiment Tom Cruise qui s'est pris une bif. Non, parce que c'est un énorme kink, le mec, il s'est dit... C'est possible. C'est peut-être ça, hein. Ouais, ouais. Mais écoute, j'ai hâte d'en savoir plus. Restons dans le sexe, la méthode de reproduction. C'est la question in. La méthode de reproduction des marsupiaux est horrible. Savez-vous à quoi elle consiste ? Horrible. Forcé, ouais. Déjà, c'est alors, forcé. C'est ça, non, c'est pas forcé, et c'est très consenti. Mais voilà. C'est ça, pas ça finit pas bien. C'est pas fait pour. Enfin, c'est genre trop petit et il y a toujours. Comme rester coincé comme les chiens, il y a un truc pas fait physiologiquement qui part un peu en vrille. Alors, c'est pas vraiment ça. En revanche, Justine a dit une bonne réponse. Quelqu'un meurt dans l'affaire. Le mal. Mais le mal meurt. Une personne aléatoire. Il perd son pénis. C'est comme ça, on a découvert pourquoi les gens mouraient. Truc de menthe religieuse. Le mal meurt. Tu tues ton partenaire une fois que tu vois. Alors, c'est pas vraiment ça. En fait. Quand il jouit, il meurt. Alors, c'est juste que ça dure trop longtemps. Ah, du coup, en fait, ça, il... ça, je suis d'accord. Mais... du coup, il baise sans manger ni boire pendant des heures et des heures. Oh, et donc, au bout d'un moment, le mâle meurt. C'est fou, mais pas la femelle. Mais la, pas la femelle, mais la femelle a parce également. Parce qu'elle bouffe le mâle. Bah, c'est ça. La femelle a également faim et soif. Du coup, une fois que le mâle meurt en la baisant, la femelle mange le mâle de façon. Et ça, dans le marsupilami de Shabbat. Ouais. Et on le voit très peu. Là, il baise l'oreille de Jamel. Mais c'est même. Dans la version de la show. Ah non, c'est le chien qui va sortir. Dans la version de la show, par contre, il y a cette scène. La nature est cruelle. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que c'est très bien. Parce que souvent, les gens qui disent ah, la nature est bien faite et on fait des appels à la nature pour justifier des trucs et tout. Non, la nature n'est pas bien faite. Ouais. Il meurt en baisant parce que ça dure trop longtemps. Ça dure 14 heures. D'autant que le mâle a des testicules surdimensionnés, on nous dit. Donc c'est une mort certaine due au stress pour tous les mâles car la montée en flèche. Flèche de la testostérone provoque un afflux incontrôlé de cortisol dans l'organisme qui atteint des niveaux mais pathologiques. En fait, il n'y a que des puceaux. Les mâles souffrent alors d'hémorragie interne, leurs poils tombent, parfois ils deviennent aveugles. Ça finit très comme mal. Comme les gros singes. La branlette rend aveugle. Non, mais baiser un marsupial, en l'occurrence. Mais dans ce cas, ils peuvent errer à la recherche de femelles avec elles s'accoupler jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc voilà, et après, les femelles les mangent. Voilà, tout simplement. Oh là là, bon, ça, à la limite, c'est plutôt bien fait. Mais non, mais qu'elles aient un repas sur place, du coup, après, mais que lui meure. C'est un survivant qui peut dire oh, je me suis fait bouffer les couilles hier. Il avait un petit accent du sud, ce marsupial. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Oh là. Je sais pas. Je sais pas. Il est pitié de sa blague. Je sais pas. J'avais Marcel Marsupagnol. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Ouais. Marsupagnol. Chers amis, alors. Effectivement, je connais son regard là. Ah non, bah, c'est le primé petit... là. Alors justement, le primé qui a eu un primate. Primate. Bah oui, tu es primé d'un primate. Ouais. Non, j'allais dire le primate primé. Putain, un primate. Je suis également un primate, bien sûr. Primate d'un primate. Big Flo et Oli n'ont qu'à bien se tenir. Et en plus, normalement, il écoute. Ah, il s'aime bien d'ailleurs. Big Flo, oui. Oli préférerait crever que d'écouter une seule seconde. Donc j'ai effectivement nous les Leroy a reçu le prix de la comédie le prix du jury. Putain, pas beaucoup dit, je crois. Franchement, c'est une info que je vous donne. À côté de ça, Vermine a reçu deux nominations au César. Non mais du coup, une comédie, un film d'horreur. Il y a quelques années avec Adrien, on avait fait un jeu où Adrien chantait et j'avais écrit. J'avais interprété. Alors comme je peux te redire parce que bon, vas-y. Non mais C'était en gros des paroles de films d'horreur sur des thèmes de chansons françaises, de chansons de comédie française. Des paroles qui décrivent un film d'horreur. Ah, voilà. Chantées sur une musique de comédie française, genre Rabbi Jacob par exemple. Chante Scream sur Rabbi Jacob par exemple. Attends, tu vas pas refaire le même. Pardon. Ah bah non. Non, parce que je ne peux plus entendre la musique de la soupe aux choux. Sans penser, c'est dans un lycée américain qui plus est, c'est dans un lycée qu'ils se font assassiner. Et j'ai regardé la soupe. On l'avait pas fait aux arcs ou un truc. On l'avait beaucoup fait. Et donc nous avions fait ce jeu du film d'horreur sur des musiques de comédie française ou inversement d'ailleurs. Des fois aussi on pitchait des comédies françaises sur des musiques de films d'horreur. On avait fait les deux. Oui. Donc je me suis dit, ça fait longtemps, ça fait des années, on l'avait fait avec Jérôme Niel à l'époque entre autres. Et si on refaisait ce jeu? Sauf que j'ai rajouté une petite subtilité. C'est seulement le prix qui a eu le grand prix du festival. Toutes les comédies sont Nous les Leroy. Voilà, mais ça c'est juste un. Non, j'ai rajouté à la manière d'Adrien et son jeu des films qui baignent ensemble, une petite valise. Wow. Un petit mot valise. Ce ça, mec... c'est en hommage à Valentin. Oh, évidemment, qu'on surnomme affectueusement la valise. Lui, il est au sommet. Donc, par contre, c'est pas Adrien qui a chanté, c'est moi, donc c'est évidemment faux. Ah, et ouais, en plus, c'est un peu en direct, donc voilà, ça va être un peu cata. C'est beaucoup mieux, du coup. Mais on va tenter. Donc, attends, qu'est-ce qu'on doit. Oui, on doit deviner le mot valise. On doit juste écouter. Écouter, m'applaudir à la fin. Il faut trouver. Il faut trouver le petit jeu de mots qui contient, enfin, le mot valise qui contient les deux films, à savoir la comédie. Et du coup, on essaye peut-être de répondre que quand on a le mot entier. Le truc entier. Si vous avez Scream, mais pas l'autre comédie, dites pas. Alors c'est Scream et. D'accord. Ça ne marche pas, on essaie de le garder essayons, dans sa tête. Essayons pour donner. C'est un de... peu comme le Balas Bingo, si j'ai compris. C'est alors, une contraction de Bingo. Tu parles du Bingo Lasco. Ah, pardon, excusez-moi. Le Balas Bingo, c'est le parc d'attractions. Pardon. Non, mais j'ai l'impression que c'est une autre attraction. Bah, il y a le Bingo Lasco et un peu plus loin. Il y a le Balas Bingo. Voilà, il faut faire 1m40. Hein. Ouais. Bah, en fait, il y a la photo à la fin. Elle est un peu chère, mais bon, tu peux. Bon, bref. J'ai compris, d'accord. Ok. Donc, on va essayer. On va faire ce qu'on peut. Vous êtes prêts pour le premier? Ah oui. Allez. Ah oui, je me régale. Attention. Représente le hardcore de l'espace en direct de mon vaisseau. Ça va le chat? Non, ça va pas. Mec, c'est l'horreur dans le Nostromo. Fatalienne. J'avais pas le truc. Un truc qui m'agrippe. Dans ma bouche ou bien m'arrache les tripes. Alors écoute avant qu'il soit trop tard, avant que tu sois tout mort comme Bilbo ce gros bâtard. On n'est pas venu pour te faire de la peine, mais attention mon gars, y'a un alien. Y'a un alien. Y'a un alien. Voilà, bon. Y'a un alien. Y'a un alien. Fatalienne. Tout simplement fatalienne. J'ai commencé facile hein. Oui. Ah oui, t'as trouvé ça dur? T'as trouvé ça bah, dur. Bah fat je l'ai pas. Fatal. Eh ben je l'ai pas. J'ai pas la musique. Mais bien sûr, mais encore une fois, je n'ai pas la musique. Fouta cagoule. J'ai pas la musique. Tu vas peut-être pouvoir te rattraper sur Fataliens qui arrive juste après. Ah oui, par contre, il y a les trois, il y a les quatre. Donc, okay. J'espère qu'il y a Fatal à ça. Attention, c'est parti. Fatal à dessous. Fatal à dessous, pas mal. Avec quel outil je vais te massacrer? Peut-être une scie ou j'ai non pas le... encore mieux. Vous pas. J'ai pas la musique en fait. Ah, j'ai pas la musique. Non, j'aurais aucune idée. Et si j'utilisais. je vois l'outil. Un outil qui fonctionne avec. Ok. Ouais, mais ouais. De l'essence. Ok, d'accord. Attendez, je vous donne un indice. Y'a peut-être deux funèbres. Fantomassacre à la tronçonneuse. Oui, oh, et bah oui, bien sûr. Fantomassacre à la tronçonneuse. Putain, il a bu un verre derrière. Je peux pas vous dire mieux. Ah, j'ai il là, un verre d'eau dégueu. L'eau est dégueulasse. Mais... Est-ce que vous êtes un excellent binôme? Mais vous. Ah, je commence à se connaître. On commence à se connaître. Ah là là. Ok. À chaque fois, je pars en retard. C'était hein. Prévu de Funès ou tu l'as non, improvisé? Non, j'ai rajouté à la fin. Le cerveau de ce mec. Oui, j'ai dit, il y a de Funès. Ouais, il y a même pas de. En disant, il y a un indice qui arrive. Non, mais parfait. Alors celui-là. Après, bon. Le rythme de la chanson permettait d'être assez à l'aise dans l'info. Oui. De réfléchir en tout. Oui, sur Fatal Bazooka, ça marchait pas. Attention. Bon, celle-là, ouais, allez, c'est parti. Oui, oui. On les appelle les. Cénobites, ils sont dans un délire SM. Ils peuvent arracher la bite, j'en ai puis un. Se la préparer afin de la manger. Ils sont vraiment dégénérés. Le chef a des clous sur le visage, mais bosse pas chez Monsieur Bricolage. Je pense que je l'ai, mais. On le surnomme Pinhead comme par hasard. Ah merde non. Alors. C'est un gros fou du cul. Brôle-toi, ah, on en parle plus. Mais oui, plutôt que tuer ces malvenus. Le père Noël Razer est ah, oui, une ordure. Oui, le Père Noël Razer est une entrée. J'ai pas la musique des comédies. J'avais Hannibal, moi. Moi j'avais. T'avais le Père Noël et une ordure tout de suite. Le Père Noël et une ordure avec La Balasco. Bingo Lasco. Bingo Lasco. Il faut dire Bingo Lasco. S'il y a Balasco dans le film, t'as un point. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu, bien sûr. Ok. Donc là on a. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors attendez, c'est parti. Des amis, dans une cabane, okay. Dans un milieu de la forêt. Oh, ah, ils vont se faire posséder. Ah oui, putain. En lisant un livre maudit, s'entretuer. Les visiteurs ont des yeux. Vraiment, ça l'ambiance, ces vacances entre amis. Les visiteurs de il y a un mec. Armé d'une tronçonneuse, ouais. Ouh, ah, il va buter tout le monde. Les villes Dead Zitter. Non, non. Il découpait sa propre main. Ça, c'est une scène du 2, mais bon, je fais un mix des différents opus. Oui, les villes Dead Zitter. Ah oui, donc on est en fait sur ce genre de. Ah oui, au bout d'un moment, c'est tiré par les cheveux. Les villes Dead Zitter. D'accord, ok. Oh, ça fonctionne. Oh, j'irai pas jusque-là. Non, tu te permets pas. Non, je critique pas pour autant. Je vais juste dire que ça voilà. Fonctionne, c'est un peu. Oh, les villes Dead Sitter. Non, je trouve que ça sonne bien en plus. Très bien, c'est très bien. C'est bien flou. Ok, celui-là, il est. Enfin, le jeu de mots fonctionne. Enfin, le mot valide fonctionne. Après, je sais pas si vous l'aurez. Ok. C'est une ado qui vient d'avoir 17 ans. Elle est timorée, introvertie et solitaire. Sa nature timide fait qu'elle est devenue le souffre-douleur de ses camarades de classe. Oscar, une douche qu'elle avait tué au cours de PS. Oscar, putain. Oscar. Oui. Eh ben oui, c'est la musique d'Oscar. Ça marche bien. C'est validé là par Valentin. J'avais écrit beaucoup plus de paroles, mais c'est pas grave. J'arrivais pas à suivre désolé. Le rythme. Non, mais t'inquiète, c'est moi qui arrive pas à suivre le rythme donc. Mais on a un sniper en face de nous. Oscari. Hein. Oscaris. Oscaris. Oui. Oscaris. Celui-là, je l'aime beaucoup. Mais j'irai au bout quoi qu'il. Okay. Vous le okay. Est-ce que tu veux qu'on attende si on a la non, vous pouvez, okay. Pouvez balancer. Tu sais, fait, sort un album. Hein, directement. Je l'ai. Quand ils sont tous morts, ils viennent nous hanter. Le déni de Conjuring. Les parapsychologues peuvent les chasser. Ils sont forts, c'est dur de leur parler. Il faut entamer le dialogue. Moi, j'adore les nibards, mais je n'aime pas trop les fantômes. Les héros du film sont deux, comme les Robert que j'affectionne. Ils ont déjà chassé la nonne et Annabelle, la poupée tueuse. J'aimerais tout de même rappeler, j'aime les nichons, les rondouillés. Je sais que ça n'a pas trop de rapport, mais je resitue pour les nouveaux venus. Le film qu'on cherche est mis en scène par James Wan. Et j'adore les gros plo-plo. Voilà. Le film qu'on cherche est mis en scène par James Wan. Et j'adore les gros plo-plo. Ah. Tu vois, j'aime bien parce que je me suis dit, est-ce que d'avoir le grand prix, ça va le changer? Il va se dire, attends, faut pas trop que je fasse le débilos et tout. Oh là là. C'est pire. C'est encore plus ringard qu'avant. Là, il est arrogant. Ça l'a rendu arrogant dans son. Il se permet tout. Il se permet même plus de faire des rimes. Ah non, il n'y a jamais eu les rimes. Alors ça, je vous laisserai pas dire ça. Non, mais c'est arrogant de ringardise, je suis d'accord. Ah, c'est bien. J'adore. Bon, arrogant de ringardise qui pourrait aussi être le titre. Le nouveau titre. Ouais. Non, mais juste. Outa bio. Ok. Il y en a un autre ? Bien sûr. C'est relou, on dirait. Ah bah. Ah non, c'est pas ça. Ah, je crois que. Je me fais passer pour un garçon, le fils de Vincent Lindon. J'ai Ken, une Seat Ibiza. Je devrais accoucher d'une Twizz. J'ai pas plus. J'ai pas plus malheureusement. Alors, c'est pas la chanson, j'ai le film, j'ai pas la chanson. Alors c'est une chanson de Pierre Bachelet, Les Corons, oui, oui, qu'on entend dans un film. Les Corons Titanes. Non, attends, c'est pas un film qui s'appelle Les Corons. Dans un film, il y a cette chanson, comédie française. Attends, on va trouver. C'est une chanson. Bienvenue chez les Ch'titanes. Bienvenue chez les Ch'titanes. Eh oui. Bah oui. J'ai qu'une une scène épisode. Oui, bah oui, c'était le premier titre du film en plus. Ouais, ouais. C'était pas une Seat Ibiza. Non, c'était pas une Seat Ibiza. C'est juste que je trouve que Seat Ibiza, ça sonne bien. Ouais, c'est vrai. Attention. C'est pas avec une voiture électrique qu'on pourrait. Ah, ça. Ouais, ouais. On n'y pense pas, ça. Attention, vous êtes prêts? Ouais, c'est pareil. Ça, je vais. Ok. Ok. Hey! Quand le babagoul Cradock a acheté le vieux glandu de la falaise, c'est éclaté comme une vieille fiente sur mes panards. J'ai dit à Marc, vas-y, on se tire. Y'a que des marioles, un pétocasse vise leur dégaine. Avec leur sape, une robe dégueulasse, et puis des fleurs dans la tignasse. Arish Kishka, Kamor, le soleil qui se couche jamais. Ça marche à l'ombre. Tu vas voir qu'à tous les coups, on va tous se faire buter et enfermer dans un ours. Avant que j'ai pu dire un mot, on m'a chopé par le paletot. On m'a dit, toi tu me fous les glandes, et puis t'as rien à faire en Suède. Arrange-toi de là, t'es pas de ma secte, casse-toi, tu pues. Et va dans un ours. Ah, oui, je vais te dire, ça va. T'as spoilé ou pas un peu? Non, ça va. J'ai pas vu Non, ça va. J'ai un peu dit des scènes, mais j'ai pas dit la fin. J'ai pas dit la fin. Midsommar à l'ombre. Bravo. Pas si mal. Ah, il est bien, pas si mal. Magnifique. Mais faut que j'ai un truc moi pour enlever la voix de la chanson. Je te filerai le. J'adore cette idée. Chers amis, ça fait déjà 1h20. Ce que j'ai utilisé pour faire les gros nichons avec la voix d'Aznavour. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux gens ce que tu as fait? Non mais c'est le truc qu'on a vu un milliard de fois sur les. Mais sur tu l'as TikTok. Fait toi-même. Mais je l'ai fait parce que maintenant c'est très facile de le faire. Et du coup j'ai fait la chanson Vive les gros nichons. J'aurais dû faire Brassens en fait, je suis con. Mais j'ai fait avec la voix d'Aznavour. Donc c'est Aznavour qui chante les gros nichons de... Bien sûr. Et les larmes, hein, les poils. Ça fout les poils, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Chers amis. En IA hein, je parle, c'est pas moi qui ai chanté ça. Ah non, parce que si tu le chantais ça donnerait Vive les gros nichons. Hyper de chien comme les ballons. J'adore. C'est pas mal. Vous avez dit, ça file les poils. Hein. Ah ouais, ouais. Donc ça fait déjà 1h20 qu'on parle, et comme à l'accoutumée, on va faire les recommandations culturelles, des choses qu'on a appréciées, qu'on a envie de partager avec le reste du monde, puisque le monde nous écoute. Valentin Vincent. Attends, j'ai plus. Oh là. Oui, Adrien Méniel. Adrien Méniel, j'ai reçu un message, parce que toi, tu as fermé tes DM ou je ne sais pas quoi, d'une personne qui a bossé sur le jeu que tu as proposé la semaine dernière. Jusant, ouais. Qui m'a dit, on a travaillé dessus, ça nous a fait trop plaisir d'entendre Adrien le conseiller. Donc voilà, quelqu'un qui a bossé. J'ai pas du tout coupé mes DM, par contre. Je sais pas, la personne me l'a envoyé à moi, par réflexe peut-être, pour me dire voilà, que ça les avait touchés. Ah voilà. Ou alors j'ai bloqué cette personne. Peut-être. en tout cas, voilà, la personne était ravie, je tenais à te le dire. C'est terrible. Retrouvé, moi. C'est terrible. Alors vas-y, Valentin. Deux petits trucs. Vas-y. Une série d'animation sur Netflix qui s'appelle Maya and the Three. Ok. C'est très mal dit. c'était très dynamique, mais c'est hyper bien animé. Ça se regarde super bien et l'histoire tient bien la route. Et c'est une histoire de démons. Le pire pitch. Je vais peut-être lire avant le truc. Je suis tombé dessus un peu par hasard et j'ai trouvé ça trop bien. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix et c'est, et c'est plutôt marrant. C'est... Ouais, c'est plutôt marrant. C'est vraiment très fun. J'ai retrouvé un peu l'esprit des films de. Ce qu'avait fait Lego là, comment ça s'appelle? Ah oui, bien sûr, Miller et. Ouais, ce truc voilà, très. Franck, Non. Phil Lord et Chris Miller. Voilà, c'est ça. Voilà. Comme un peu les Mitchell contre les machines aussi, et tout. Et ce truc, bien. Voilà, ce côté très dynamique, un peu adulte dans l'animation, dans les vannes et tout. Mais ça marche pour tout. Puis le dans monde. Une série, c'est cool en plus. Ouais. Parce que souvent, y a l'animation dans les longs métrages a parfois un peu plus de gueule parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais dans les séries, parfois, c'est moins le cas. Et là, tu dis que ce n'est pas le cas. Et je vais lire le pitch qu'ils disent. Une fougueuse princesse au cœur de guerriers se lance dans une périlleuse mission pour accomplir une ancienne prophétie et épargner ainsi l'humanité de la colère des dieux. Donc, bon, très flou. Mais je vous assure que c'est super. Non, My End of Three, c'est vraiment très cool. Génial. Et vraiment, c'est trop bien animé. Et en fait, c'est rien que pour ça, c'est... Déjà visuellement hyper plaisant à regarder. Ok. Parce que du coup il y a des dieux anciens mais qui sont vachement loufoques et immenses, etc. Et en plus l'histoire tient vraiment bien la route et c'est très très cool. Mortel. Et en gros voilà, c'est une gamine qui il y a une prophétie qui tombe un peu sur elle et sa famille et qui essaye d'empêcher cette prophétie. et trop qui bien. Pour faire ça doit aller dans le monde démoniaque. Voilà. T'avais un film le Disney un peu comme ça, alors pas dans le truc de, Encanto qui était pas mal aussi, c'est, sur l'héritage, oui, voilà. Un site mais magique et tout, et un peu un truc de ouais, où elle passe un peu aussi voilà dans le monde des morts, et ouais. Y a un peu ce truc là trop bien. Et et sinon un jeu vidéo qui s'appelle Hello Engineer, okay. Et qui est dans l'univers de Hello Neighbors, toi ça te parle peut-être, c'est rien, vaguement, mais... un petit jeu que tu peux faire à jusqu'à 4 joueurs en même temps, où tu dois tout simplement construire des choses un peu comme des Lego, okay. Des véhicules pour pouvoir passer des parcours. Alors oh, au début tu dois ah, je t'ai vu jouer avec Stéphane, ouais, ouais. Ouais. Et, donc au début c'est tout bête, c'est genre faut que tu arrives à faire juste un truc qui roule et aller d'un point A à un point B, et après t'as la même chose mais t'as un petit tremplin et quelques pièces en plus, et donc tu dois faire un truc qui roule mais avec des petites suspensions, etc., jusqu'à vraiment devoir réussir à construire un véhicule avec les roues qui s'écartent, qui se lèvent, un truc pour lancer une fusée. Enfin, c'est de plus en plus compliqué, ah, c'est et c'est vraiment très cool. Et surtout, tu le construis à plusieurs. Donc, moi, j'y ai joué à deux. Et donc, à deux, tu fais bon, ok, moi, je m'occupe du train avant, toi, tu fais l'arrière. Et c'est vraiment rigolo. C'est un peu comme jouer au Lego avec un pote. Ouais. Et en plus, à chaque fois, il y a un but. Tu dois terminer le parcours. Moi, ça m'a fait penser, quand j'étais ado, je regardais un truc qui s'appelait Les Guerriers de la Récup. Et j'ai l'impression d'être le seul à regarder ça. C'était des gens dans une casse qui avaient un défi de genre vous devez construire un bateau qui serait capable de détruire des cibles sur un lac. Et du coup, ils avaient 24 heures en équipe dans une casse. Putain, pour je récupérer. Connais pas. Alors, du tout. C'était clairement scénarisé, parce que c'était genre au dernier moment, ils disaient oh, on a trouvé une carcasse de bateau, ça tombe. Mais c'était trop cool. Et putain, bah, je connaissais moi, pas Hello Engineer, c'est un petit peu les guerriers de la récup. Mais attends, le jeu. T'as jamais joué à Scrap Mécanique? C'est un peu apparemment parce le même genre. Parce que Scrap Mécanique, oh ouais, ça veut presque littéralement dire les guerriers de la récup, quoi. Ah. Enfin, ça veut dire scrap, ça veut dire justement des du. Oui, oui. Des bah, les guerriers de la récup s'appelaient les Scrap Hep Challenge. Voilà. Ah. Il y avait le mot scrap. Et scrap Mécanique. Et bah, c'est Scrapido. Un peu Hello Engineer, c'est Scrap Mécanique, mais avec à chaque fois un défi. Pardon, il y a du Scrapidou, ça m'a. Oui, bon, écoutez, ça m'a plu. Désolé. Et y a pas de souci. Mais oui, ça a l'air bien. Voilà. Ça. Très ça cool. Hello Engineer. Adrien Méniel. Écoutez, moi, je vais recommander le podcast Chatcheuse de Marie De Breuer, qu'on a déjà reçu dans le Floodcast. Elle a lancé son podcast. Elle est co-animatrice de Touriste avec Maxime Huska. Et là, elle lance son podcast toute seule. Donc, parfois, c'est des épisodes où c'est elle toute seule qui parle. Et parfois c'est avec un invité et ça discute. Et bah, elle est très très drôle, Marie. Donc le podcast est chouette. Et voilà, je vous invite à écouter ça. Sinon, parfait. J'ai regardé La Soupe aux Choux. C'était la première fois où tu t'es refait. J'ai revu La Soupe aux Choux, mais je ne l'avais pas vu depuis l'enfance. Mm-hmm. Et alors déjà, j'avais oublié que c'était. Triste. Triste. Ah, j'ai ouais, vraiment. Ouais. Je me suis fait choper. Tu t'es fait choper à quelle scène? Pour spoiler bah, La Soupe aux Choux. Ah non, j'ai pas envie de spoiler. Ah ouais. On sait jamais, mais tu t'es fait choper mais... moins que nous les Leroy, j'imagine. Bon, bah bien sûr. Hein. Tu penses bien. Mais voilà. Quand ils sont derrière la grille, moi je me souviens. Il y a les deux petits vieux derrière la. Quand ils sont un peu traités comme c'est... des animaux, je me souviens que j'avais un truc de. Je te dirai après. Okay. Mais non, oui, c'est triste et émouvant. Et bon, il y a des paix. Mais en fait. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que. Oui, bah en fait. Parce que moi je l'ai vu très petit et j'étais fan de ce film. Et je me rends compte que bah en fait ça a forgé toute ma personnalité, quoi. C'est-à-dire que c'est des paix, être peinard dans une petite baraque à la campagne, donc de la tech. Genre bah. quand il sort son appareil pour communiquer, oh là avec là. Des couleurs là. Bien sûr. Et j'ai fait oh là là, mais en fait j'ai eu une Madeleine de Proust, genre oh putain cet appareil, il me faisait rêver quand j'étais petit. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu le glow et le bombé du podcast, toi et moi? C'est un peu ce que j'ai failli prendre une photo et dire. Mais ouais, et ouais, je me suis dit, bon, bah ouais. C'est... Et la musique est vraiment incroyable parce qu'on. Ouais, on... Bien sûr. Je sais pas si vous vous souvenez, début des années 2000, il y avait un double CD qui était sorti où il reprenait La Soupe aux Choux et version électro et version hip-hop. Vous vous souvenez pas de ça? Non. Attendez, je vais vous la faire écouter. Vas-y. Non, j'avais entendu une version orchestrale, mais vraiment sur-orchestrale, en gros, vraiment rejouée en live. Et c'est là que, effectivement, je me disais, mais on dirait, elle est épique en fait. Non, mais elle est vraiment génial parce que le début, il y a une contre-mélodie à un moment et tout, elle est folle. Et aussi, vraiment, ils ont rentabilisé la musique parce qu'ils l'utilisent dans toutes les scènes. Intro et tout, machin. Et après, ils vont acheter du pain. Après, ils vont voir les flics. Vraiment, tout le temps, il y a cette musique. Et bah, on s'en lasse jamais. Donc. Là, c'était Fat Dog qui avait fait la chanson I'm Not Scooby-Doo-Bidoo sur La Soupe aux Choux. Dog. Oh wow. Yeah. Fat bulldog. Ha ha. Un peu ralenti. Et il y avait les deux, il y avait la chanson d'hip-hop et il y avait la version électro de la soupe au chou qu'on s'écoutera à la fin de l'émission. Voilà. Oui, et puis il y a aussi Ton Daron qui avait fait sur YouTube, qui est Ton Daron qui a fait une reprise raga. Ah, bon ah ouais. Bah, ouais. On peut l'écouter. Attends, je la lance. Ah ouais, on peut. Vas-y. Ah non, non, non, mais c'est, ah non, c'est un vrai truc qui est ah sur YouTube. Ah ouais. Un mec qui dit, hé là, j'ai choisi un redeem, je crois que personne l'a utilisé. Il met la musique de la soupe au chou et il dit, je sais plus, un message de paix. Non, non, non, oh là là, okay, je la connais pas. Non, attends, attends, faut que je la trouve. Ah oui, moi, tu vas trouver. Parce que ah, j'ai cru que c'était un happening. Ah ouais, moi aussi, je dis, bah, ah il non, va non, lancer. Non, ouais, c'est le style, ça, c'est fou. Ah ouais, non, on aurait pu croire, mais. Parce non, que, ce que j'aime bien dans la chanson de rap de la soupe au chou, c'est qu'il chante, bouge ton cul, bébé, bouge ton cul. Bah, il... ça dit, dans le film, ils bougent leur cul. Hein. Ah bah, c'est pour lâcher d'énormes caisses, par contre. C'est la raison. Attends, je vais essayer de te le retrouver. C'est la raison. Alors, on va essayer de mettre celle-là. Yes, I. Yes, I. Déjà, il dit yes, I sur la soupe au chou. Déjà, c'est la meilleure chose. La soupe au chou. Il n'y a pas plus flotte casse que ça, là. Attention. Hey, massive. Message de paix. Un message de paix à ceux qui veulent profiter de la vie qu'on a et de ces si belles années. Regarde ceux qui passent, tous différents, c'est un peu tous du même espace. Militons pour le protéger. On ne veut pas de race, des racines bien plantées, que tout le monde fasse la paix. Avec son entourage étranger ou français, jetons aux ordures les préjugés. Mais c'est complètement ce qu'on fait. C'est complètement ce qu'on fait dans le floodcast. C'est qu'on a, on a rien mieux inventé. C'est mieux parce qu'il part dans les temps, ah bah lui. Moi, je suis pas dans les temps du tout. C'est Quentin Thiriot, non? Qu'on embrasse, qu'on c'est embrasse. Très niche, quand même. faut l'avoir là. Oh là là, ça fait plaisir, putain. Je pensais pas qu'on allait partir sur autant de découvertes musicales avec la soupe au chou. Comme quoi, c'est ça un vrai hit. Justine Le Potier. Florent Bernard. Un truc que tu as aimé récemment. Oui, j'ai vu un collectif de stand-uppers américains qui officie à Paris. Sans deck. Et c'est vachement bien. Ça s'appelle Blast Off Comedy. Ok. Et ils font dans différents comedy clubs et ils sont passés au cartel, évidemment. Oh, oui, bah évidemment. Et je suis descendue. Lisa tout à l'heure, elle m'a dit. Et je suis descendue dans la. Allez, ils passaient à 19h. Écoutez, j'étais au Cellar. J'ai eu l'impression d'être à New York. Les Américains sont. Au Cellar des poussiérants. Exactement. Quel enfer. Très, très fort avec la culture américaine du stand-up et tout. Ils sont à crever de rire. Donc vraiment, je recommande. Ok. Et sinon. Mainstream, mais j'ai regardé la saison 1 de Trou Détective. Quel bonheur! Ah, t'avais ouais. jamais vu? Mais si. Ah, si, oui, voilà. J'y suis retourné, qu'est-ce que tu veux? Bah, il y a un petit goût de reviens-y. Bah, et oui, évidemment! Mais c'est le prochain ou, c'est... Enfin, ou qui vient de sortir la avec, 4 est sortie, avec ouais. Jodie Foster? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai peur d'être très déçu. Ah, t'as regardé la... t'as juste rematé la première. Tu oui, c'est la meilleure. Moi, ouais, j'ai jamais. J'ai vu que la première, je crois. Arrête-toi là. Okay. Ah oui, t'as aimé que la première, toi? Ah oui, d'accord. Je suis très déçu sur les autres. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est une demi-roco, du coup. C'est une demi-roco. Quant à moi, j'ai deux films. Deux oui, films donc très un qui a eu un prix. Non, il y en a un qui est nommé au César. Au César. Bon, bah voilà. Non, May December. May December, c'est avec Natalie Portman et Julianne Moore. C'est réalisé par Todd Haynes, qui avait fait, entre autres, I'm Not There. Le pitch peut faire peur au début, mais je pense que, par exemple, Adrien... Ça parle d'un truc qui peut te plaire, puisque c'est sur une actrice qui en fait un peu des caisses et qui va faire un film sur un sujet et du coup rentre dans le quotidien de la famille dont le film va faire le sujet. Okay. Mais du coup, en mode méthode actrice, sauf que bon, calme-toi quoi. Tu okay, vois. Donc ça, okay. c'est un peu cool. Après, il y a tout un autre truc qui est un peu. En fait, c'est adapté d'un fait divers, puisque c'est une prof qui est sortie avec son élève et qui a fait de la prison et qui est tombée enceinte de son élève, mais qui, ouais. avec qui elle est encore en couple. Qui a aujourd'hui ouais. le gars à 30 Macron. Ans, tu vois. Voilà. Manu là. Du coup, le film parle de ça, mais. En mélangeant ce truc de l'actrice qu'on fait des caisses. Et c'est assez malin, c'est assez glaçant. Et en même temps, c'est très ironique. C'est vraiment cool. Moi, j'adore Todd Haynes. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et dans un genre, mais complètement différent, mais je pense qu'il ne passe plus à l'heure où on parle. Godzilla Minus One. Ah, oui. Le nouveau Godzilla fait par le Japon. Le pitch, en fait, moi, je le connaissais pas. Il est vraiment cool. Bon, c'est un film Godzilla, donc en même temps, vous n'avez pas besoin d'en savoir beaucoup plus pour y aller. Mais en fait, c'est un. Ça se passe vraiment au cul de la Seconde Guerre mondiale, j'ai envie de vous dire. Puisque ça suit l'histoire d'un jeune pilote qui n'a pas voulu faire le kamikaze, voilà, qui n'a pas voulu s'écraser zozo. En avion, voilà, exactement. Il n'a pas voulu faire le zozo. Et du coup, qui a la, c'est-à-dire que c'est un pays qui a quand même pris deux bombes atomiques. Et lui, il se sent déshonoré, quoi, de pas être allé au bout. En même temps, il est vivant, etc., etc. Il y a tout ce truc-là. Et en même temps, il y a Godzilla. Donc est-ce que vous en voulez oui, plus? Mais oui, on en est-ce que vous en voulez plus? C'est bon pour vous. Est-ce formidable. Que c'est bon pour vous? Le squeeze le docu là. Non mais merci Internet ou quoi? Bien sûr. Merci Godzilla. Et donc le film est vraiment cool et c'est fou. Je crois qu'il est diffusé jusqu'au 31 janvier. J'avais vu ça. Il y avait une petite fenêtre. Vous avez deux jours. Monsieur cinéma. Voilà, vous avez deux jours. Donc ça a de la gueule vraiment. C'est bien. En plus ça a pas coûté si cher. Alors après c'est toujours un truc où je me demande. Parce que quand tu vois les épisodes, tu te dis mais c'est impossible, je crois que ça a coûté 15 millions, alors que vraiment c'est vraiment très impressionnant. Après, Godzilla est joué par Francis Huster, qui a fait un très bel effort sur le cachet. C'est vrai qu'il a baissé. Et lui, Japon, tuez-moi lancez-moi une bombe. Je représente le Christ. Je vais vous manger, tu me dis là. Et non mais c'est vraiment bien, ça a de la gueule, voilà, ça a pas coûté si cher, mais après je sais pas du coup si les conditions de travail des gens étaient du coup cool, parce que je veux pas croire que ça a coûté 15 millions, non mais j'en sais rien, je balance ça, j'en ai aucune idée, mais c'est vraiment très très impressionnant pour le prix que ça a coûté. C'est toujours un spectacle de toute c'est façon. C'est toujours un spectacle, et voilà, Godzilla Minus One, j'ai trouvé ça mortel. Voilà les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Valentin? Je sais que tu as fait, alors je sais pas si tu peux beaucoup en dire, mais tu as travaillé récemment sur une série en tant que comédien. Oui, alors je peux pas je suis une voix mais je peux pas dire qui. Voilà, c'est ça. Ni quoi ni rien parce qu'il y a voilà mais j'étais trop content parce que j'ai en vrai vraiment vous qui me connaissez, je rêvais réellement de faire ça depuis très longtemps, depuis ado. Et j'ai passé un casting tout simplement et j'ai été pris. Génial. Tu es allé à la sueur de ton front. Exactement. J'en revenais pas trop. Quand j'ai eu, j'ai vraiment, c'est vraiment le truc où j'ai relu plusieurs fois le texto qui m'a dit bah c'est bon, t'as tel rôle et tout. Et j'ai lu la première fois en me disant bah c'est bon, t'as pas le rôle. Mais ah merci, t'as pas toi. Vu le. Ah ouais, t'as. Et vraiment j'ai fait ah bah c'est déjà. Mais j'étais déjà content d'avoir fait le truc et en fait j'ai rush. Ah non j'ai le rôle. Il y a pas le pas. Oh mieux ça que l'inverse. Oui. Non vrai. Mais j'étais trop content et donc voilà. Trop bien, génial. Et sinon, bah non, vous pouvez me retrouver. Je Twitch un petit peu, je stream par moment. Voilà, vous cherchez Valentin Vincent sur Twitch, vous devrez me trouver. Et ça stream quoi? On peut savoir à peu près quel jeu? Ouais, souvent les jeux. Mais ça peut, souvent des jeux que tu ne peux pas trouver ailleurs sur Twitch. Des trucs et une fois à peu près toutes les deux semaines, on fait un avec Stéphane Carlo qui a beaucoup travaillé. Évidemment, monteur émérite, réalisateur également. Bien. Et on fait un stream ensemble. Et hier, par exemple, on a joué au jeu Bugs Bunny et Taz sur PlayStation 1. Oh. Qui est affreux. Et après on a joué à The Movies qui était un espèce de Sims pour j'adorais ce jeu à l'époque aussi. Et il a mal vieilli? Non, pas du tout. Non, il est bien. On a trop kiffé. Et on a regretté d'avoir joué à Bugs Bunny parce que justement on s'est dit mais en fait on s'éclate beaucoup plus sur l'autre. Donc voilà, des jeux un peu à la con, pas mal de trucs. Moi je rarement tout seul, je joue souvent avec Stéphane où j'aime bien les trucs. On peut jouer à plusieurs sur The Movies, je me souviens. Non mais on était côte à côte, donc on a bien rigolé. Pardon. Et voilà. Et sinon non, j'écris avec Julien notamment pour Cyprien. Julien Josselin, bien sûr. Julien Josselin, la team Cyp, tu veux dire. Je fais partie de la team Cyp. Et là la prochaine vidéo, on est très content. Et d'ailleurs t'es dedans et donc voilà, ça, j'ai hâte que ça sorte. On s'amuse bien, on essaye de pousser un peu de certains concepts un peu plus loin que d'habitude. Vous essayez de redoubler Thibaut InShape, c'est votre but j'imagine. Oui, bah, on ne joue pas sur la même, le même genre de vidéo. Mais la team Cyp in Shape. La team Cyp in Shape, bien sûr. Justine. Et puis Truth Boy, toujours dans les. Pardon. Ah oui, bah, bien sûr. Dire, c'est toujours dans. Enfin, non, c'est jamais en librairie. Donc, si vous, trouvez, si vous voyez un jour un Truth Boy tome 1 ou 2 achetez-le. Dans une librairie, ouais, achetez-le, envoyez-moi un message. Voilà. Très bien. Le potier. Oui, le potier. En pleine Bingolasco. En pleine Bingolasco. Là, encore quelques représentations. Voilà. À Paname. À Paname, encore une petite semaine de représentation. Je suis allé à Stade. J'écris un long métrage avec la personne à ma gauche. Oh là là, mais ça suffit là. Elle balance les doses. Ben oui. C'est Valentin. Elle balance quoi d'ailleurs? Hein? Voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et tu es à l'affiche d'un long métrage qui sort le 10 avril. Oui, Nous les le roi. Ah oui. Et elle joue dedans avec Adrien Méniel. Adrien Méniel en ce moment, La Bonne Auberge toujours. Alors La Bonne Auberge toujours deux fois par semaine sur Twitch et également avec des rediffs dans des formats plus digestes. Comme scène de ménage. Exactement. Mais c'est un peu les scènes de ménage de Twitch. On peut le dire. T'es irlandaise, toi. Je suis irlandaise. Voyons. Elle est grand. C'est le grand stompf. Je sais pas. Ouais, non, c'est ça. À peu près ça. Invitez-le. Oh bah oui. Bien sûr. Mais avec Chantal là-dessous, je pense, pour un épisode un peu. Ah, j'adorerais. prochain épisode, on a. Oh, je sais pas si je peux le dire. Bon, ouais. On dit rien, on dit rien. Une petite surprise. Ah, petite surprise. Je peux juste dire une petite surprise. Oh, attention. Sinon, je suis. Alors, je sais pas sur quel. Comment il va diffuser le court-métrage de Chloé Joanet qui s'appelle Allô, Allez, ma fille, pardon. Bon, je fais une petite apparition. Bon, ça provoque des rires dans les salles. Je voilà. Bon. Métier pour rien. Hein. Non, c'est inné quoi. Je fais pas exprès. Mais aucun mérite. C'est comme ça. T'es né comme ça. Et pourtant, tu n'imites à aucun moment Brassens. C'est ça. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'est deux films de masterclass. C'est ce qu'on m'a. C'est ce que m'a dit Valérie Bonneton. voilà. Et puis oui, nous les Leroy, mais c'est pas tout de suite. Donc on aura le temps d'en reparler, mais on en reparlera quand même dans chaque épisode. Oui. Et puis surtout, on va bientôt annoncer une tournée d'avant-première. Alors ça, le régal. Peut-être qu'il y aura un peu Adrien dans ma besace de temps en temps. Voilà. Oui. Voilà, il y a des trucs qui se préparent. Il y a des trucs qui se préparent. On dit les termes. Non, mais c'est vrai qu'on c'est les dit. C'est comme ça qu'on dit, non? C'est ça qu'on dit. Bon, en tout cas, merci beaucoup, les amis. Le poulet. Toujours un plaisir de vous avoir. C'est cool. Finissons. C'est quoi ce poulet? Pétit son crâne. Voilà, c'est des trucs de Twitch. Putain, ouais, mais moi je fais une pause là de 2-3 mois. Bon, allez, salut tout le monde. Salut! Il s'agissait du flow de cast. Pardon.